disciples, c'est justement ceux qui ne sont pas Charlie qu'il faut repérer. Il faudra avoir son certificat de vaccination comme un laissez-passer pour être dans la société. Le président s'est prononcé pour un isolement contraint des malades du Covid. Contraint, on l'écoute. Je souhaite que le gouvernement et le Parlement prévoient les conditions pour s'assurer de l'isolement des personnes contaminées, y compris de manière plus contraignante. On peut imaginer que chaque individu accepte, volontairement ou sans le savoir, une puce en lui qui contiendrait toute une série d'informations sur lui. Tout d'un coup, on veut republier les textes antisémites de Céline. C'est un scandale. On est là encore. Alors qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez nous tuer? Bah, dites-le plutôt clairement. Bonjour à tous, chers amis, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de Démocratie Participative, saison numéro 6, épisode numéro 7. Avant de commencer cette émission, je procède au rappel traditionnel de celle-ci. Vous pouvez nous contacter sur notre adresse email à l'adresse suivante, Démocratie Participative en un seul mot, pas d'accent sur démocratie@protonmail.com. Je répète, Démocratie Participative en un seul mot, pas d'accent sur démocratie@protonmail.com. Je vous invite également à vous inscrire sur le forum Europe Écologie Les Brins, EELB.SU. EELB.SU. Vous pouvez commenter ainsi les articles qui paraissent sur le site ou tout simplement discuter de différents sujets avec les participants, etc. Tout ça est bien évidemment à votre disposition sur ce forum. Enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez aussi vous inscrire sur le réseau social Gab, GAB.com, qui a l'avantage de ne pas pratiquer la censure, ce qui est quand même très appréciable au vu de ce qui se passe sur les autres plateformes type Twitter, Facebook et autres. Alors, avant de remercier nos donateurs de cette semaine, je voulais présenter comme de juste les participants. Alors, sans transition aucune, on va commencer avec Michael. Salut Michael, j'espère que tu vas bien. Salut Gandalf, je vais bien. Bonjour à toute l'équipe et bonjour à tous nos auditeurs. Salut Fulbert, comment vas-tu, cher Fulbert? Ah, Fulbert va bien, Gandalf, merci. Bonjour à toi et bonjour à tout le monde. Alexis nous fait le plaisir aussi d'être avec nous cette semaine. Salut Alex. Salut Gandalf, salut à tout le monde. Alex qui a investi dans un nouveau micro, hein. J'aurais apprécié, je pense. Est avec nous aussi, bien sûr, Pierrot. Salut, Pierrot. Bonjour, Gandalf. Alors, chers messieurs, remercions nos donateurs de la semaine qui se sont manifestés d'ailleurs à la suite de notre rubrique qui a vraiment rencontré un franc succès, hein, c'est clair. Alors, premier don. Bonjour à toute l'équipe. L'amicale brune que je représente est heureuse de vous faire parvenir un don de 2,6 monero. Nous espérons que celui-ci vous permettra au sale juif Manigold de passer une nouvelle nuit de torpeur. Pour conclure, petite citation revisitée. Que la jeunesse arienne se lève en masse et qu'elle s'unisse autour de l'idéal que lui propose Démocratie Participative. Alors je vous le garantis, les médiocres survivants d'un monde pourri n'arrêteront pas longtemps notre élan révolutionnaire. Salutations hitlériennes à Démocratie Participative et à tous ses auditeurs blancs. Et c'est signé Joseph Darnand, SS Obersturmführer. Eh bien merci à toi, Joseph Darnand, c'est un très beau prénom. Et non, à l'esprit est en tout cas. Deuxième don, c'est Super Léon qu'on connaît, qu'on remercie. Bonjour à tous. 0,4 monero transféré ce jour en soutien au Manigolton. 0,4 monero transféré ce jour en soutien au Manigolton. Pour la paix et la non-violence. Bonne continuation. C'est signé donc Super Léon. Merci Super Léon. Alors, c'est la rançon de la gloire, hein. Je pense qu'on a, on a visé juste, je crois. On a visé juste. Alors, avant d'entamer l'émission, oui, je voulais faire un appel aux dons. Alors, en sachant que les dons qui nous sont faits traditionnellement le sont par Monero, crypto-monnaie Monero. Ceci étant dit, exceptionnellement pour le mois de février, je demanderai au nom de démocratie participative à nos mécènes qui souhaiteraient nous soutenir ce mois-ci de réserver leur don à une personne, un camarade que nous soutenons en fait. Je vous explique la situation. Alors, certains lecteurs sont déjà au courant, participants du forum aussi, mais certains auditeurs ne le sont probablement pas. Alors, je veux parler de la situation d'un camarade qui se retrouve dans une très grande précarité à cause des confinements en répétition, des restrictions sur les mouvements de population et autres qui l'ont placé de fait dans une situation de chômage, si vous voulez. Donc, c'est un auto-entrepreneur qui a toujours travaillé, qui a toujours été indépendant et qui finalement depuis l'année 2020, comme beaucoup d'autres personnes bien sûr en France, hein, ne peut plus en fait exercer dans son domaine. Voilà. Et malheureusement pour lui, un malheur en arrivant jamais seul, sa compagne est tombée gravement malade. Et quand je dis gravement, c'est gravement malade. Alors, il nous a contactés, on le connaissait d'avant, en fait, parce qu'il nous avait soutenus, en fait, par le passé. Quand tout allait bien pour lui, en fait, il nous avait fait des dons. Et là, il nous a dit, voilà, là, je suis vraiment acculé, je risque d'être bientôt expulsé. Effectivement, il nous a communiqué les pièces, les documents de la procédure en cours, donc une procédure qui doit se dérouler au tribunal, puisque en fait c'est l'office HLM qui demande son expulsion en raison de ses loyers impayés lors de l'année 2020, et il y a aussi la question de l'électricité et de l'eau, puisqu'il n'a pas pu payer ses charges. Donc il risque non seulement au mois de mars d'être expulsé de son domicile, en tout cas d'avoir la procédure conclu au mois de mars, et d'avoir l'eau et l'électricité coupée le même mois. Alors, c'est vrai qu'il y a que la trêve a été repoussée jusqu'au 1er juin, je lui en ai fait part. Ceci étant dit, ça ne règle pas le problème, bien sûr. C'est reculer pour mieux sauter. À partir du moment où il est dans une situation où il ne peut pas payer ses loyers, il ne peut pas payer ses charges, l'expulsion, même si elle a lieu, je veux dire, au 1er juin, au lieu d'avoir lieu, je veux dire, en mars, reste une épée de Damoclès considérable pour quelqu'un qui doit s'occuper par ailleurs de sa compagne, tout en cherchant soit un nouvel emploi, soit en essayant de trouver une nouvelle clientèle, ce qui est extrêmement difficile. Alors, il nous a sollicité, et bien évidemment, l'équipe a répondu présent. Alors, l'objectif, c'est quoi ? L'objectif, c'est de permettre à notre camarade de ne plus avoir cette épée de Damoclès financière sur la tête et de pouvoir, si vous voulez, apurer ses comptes pour l'année 2020, de pouvoir aussi payer son loyer en mars et d'éloigner, en fait, l'avis d'expulsion. Même si l'expulsion n'a pas lieu immédiatement, de ne pas se retrouver, si vous voulez, dans une spirale de dette, etc. Voilà. Donc ça, c'est la première chose, de le libérer de ce poids, en sachant qu'il est dans une situation, comme j'ai dit, avec sa compagne, humainement très difficile. Donc l'appel a été lancé sur le site samedi, et il a été entendu. Beaucoup de camarades ont déjà réagi. Il a reçu à peu près 1000 euros. Donc là, on est dimanche quand on enregistre l'émission. Donc en à peu près 24 heures, il a reçu environ 1000 euros. C'est bien, mais le volume dont il a besoin pour vraiment être libéré, si vous voulez, de toutes ces menaces qui s'annoncent, c'est environ 4500 euros. Voilà. Mais le plus grand défi pour lui, ce sera bien sûr de rebondir professionnellement. Alors, j'en profite aussi. Alors, je vous demande, bien sûr, tous ceux qui nous écoutez, donc si vous avez l'intention, si vous nous soutenez d'habitude, faites des dons de temps en temps à démocratie participative, bah, ce mois-ci, ne nous en faites pas. Versez-le à l'adresse Monero de notre camarade que nous mettrons sur la page d'annonce de l'émission. Hein. Vous retrouverez son adresse, voilà. Donc, ça, c'est une première chose, donc de le libérer de ça. Et deuxièmement, se retourner professionnellement. Alors, si par hasard, vous êtes dans le sud-est de la France, notamment sur la Côte d'Azur, et que vous avez des possibilités d'embauche, vous, que vous connaissez des gens qui pourraient aider la personne, c'est bien, ce serait bienvenu. Peut-être aussi au niveau de l'hébergement, on a eu des propositions, mais elles sont trop éloignées encore, parce que la personne n'a pas du tout les moyens de déménager. Donc voilà. Donc, si éventuellement vous avez quelque chose à louer à un prix peut-être préférentiel pour un camarade, n'hésitez pas à vous signaler. Voilà. Enfin, mais c'est vrai que le défi à relever, ça va être au plan professionnel, quoi. Bon, mais ça c'est dans un deuxième temps. Donc, pour le moment, essayons de l'aider autant que nous pouvons. Ça a bien commencé. Il faut que ça continue. Donc, s'il vous plaît. Soutenez-le, c'est pour un camarade en grande difficulté à cause de cette imposture sanitaire. Ça a des conséquences très réelles sur des gens, sur nos camarades, quoi, hein, des gens qui, comme tous nos auditeurs, voilà, pourraient aussi être dans la même situation. Voilà. Essayons d'être solidaires. Voilà. Alors, ce que nous faisons, bien sûr, est purement bénévole. Voilà, il n'y a pas de, je veux dire, il n'y a pas d'arrière-pensée. Quoi, hein, voilà. Donc j'ai été un peu long, excusez-moi, mais je voulais quand même exposer la situation de manière détaillée. Alors je précise bien, parce que c'est vrai que des personnes aussi sont toujours un peu méfiantes, c'est normal. Il y a eu des réactions comme ça, hein, de certains de nos auditeurs ou lecteurs qui ont dit « Ouais, mais on ne connaît pas, on n'est pas sûr. » Alors bon, on a quand même vérifié, on a eu des documents, etc. Et de toute façon, la personne, on la connaissait d'avant. Voilà, on ne la connaissait pas, on la connaît pas directement, je veux dire. Hein. Mais on avait déjà eu des échanges avec elle par le passé, donc il n'y a pas de voilà. Donc solidarité pour les camarades en grande difficulté avec cette saloperie de politique pro-confinement. Voilà. Maintenant que j'ai exposé la situation, nous allons pouvoir passer à l'émission en tant que telle. Commencer avec la première rubrique. Autisme radical. Alors, nous allons parler un peu de culture. C'est France Culture, justement, qui nous en parle. Ça tombe bien. Je vous lis l'article. Hein. Des jeunes auteurs et autrices vont réécrire les pièces de Molière pour que les élèves puissent y avoir accès plus facilement. La langue de Molière est-elle devenue trop ardue pour les écoliers d'aujourd'hui ? En partenariat avec la Comédie Française, l'initiative 10 sur 10 de Drame Éducation, centre international de théâtre francophone en Pologne, invite les jeunes auteurs et autrices francophones à réécrire les pièces de Molière pour que les élèves puissent y avoir accès plus facilement ou du moins d'une manière nouvelle. La langue de Molière est-elle devenue trop ardue pour les écoliers d'aujourd'hui ? S'agit-il d'une question de structure de phrase, de lexique ou de difficulté à se concentrer ? Réponse au micro donc de Marie Sorbier avec Marc Escola, professeur de l'Université de Lausanne, spécialiste de littérature des 17e et 18e siècles. Alors là, il y a un transcript, en fait, de l'échange. Alors, je vous lis ça. L'objectif de l'initiative pédagogique 10 sur 10 est de permettre à 10 auteurs et autrices francophones de proposer, grâce à Molière, de nouvelles pièces destinées essentiellement à l'enseignement du français en langue étrangère. Bon, selon le professeur de littérature, reste que la langue de Molière est aujourd'hui ardue pour les élèves français et francophones. Si Corneille et Racine se souciaient dès le XVIIe siècle du vieillissement de leur langue, en rééditant plusieurs fois leurs œuvres afin d'en moderniser la langue, ce n'est pas le cas de Molière qui n'a publié qu'une seule version de ses pièces dans la majorité des cas. La langue de Molière a vieilli et son humour est daté, estime Marc Escola. Ainsi, les termes qui amènent le débat sur le mariage entre Armande et Henriette dans Les Femmes Savantes ne résonne plus avec les jeunes lecteurs d'aujourd'hui. En effet, sauront-ils qu'un beau nœud signifie un mariage ? De même, pour comprendre ce dialogue, il faut savoir qu'au XVIIe siècle, le terme « fille » désigne précisément une femme non mariée et pas seulement une adolescente. Plus encore, lorsqu'Armande parle d'étrange image, elle ne fait pas référence à quelque chose de bizarre, mais plutôt à un élément qu'elle juge monstrueux, démesuré, le phallus. Alors ça continue comme ça, voilà, alors... Bon, un projet de réécriture de Molière, nous précisons, pour les Français et les francophones. Alors, on nous parle de Pologne, mais je ne crois pas exactement que la Pologne soit visée en premier lieu ici. Alors, qui voudrait peut-être prendre la parole sur ce projet de réécriture, de mise à jour, en fait, de l'œuvre de Molière pour qu'elle soit accessible à la jeunesse du XXIe siècle ? Qui a des pistes de réflexion à soumettre, peut-être des suggestions même. Peut-être que vous voulez faire partie, peut-être participer au projet, je sais pas. Ouais, j'aime beaucoup la façon dont le journaliste se pose la question. Il se demande si c'est à propos d'une structure de phrase, de lexique, de difficulté à se concentrer. Ouais. C'est effectivement des choses à creuser. Peut-être aussi parce que les apprenants sont devenus des bougnoules et des nègres. C'était une chose à creuser aussi. Hein. Oui, le QI peut-être aussi, oui. Oui, mais, non, mais tu sais le QI, Gandalf. Oui. Mais c'est les perturbateurs endoctriniens. Ça n'a rien de racial. Hein. C'est des gens qui posent des mauvaises questions. Ouais. Mais peut-être que ça fait écho aussi aux fameux textes de rap qui sont étudiés au baccalauréat. Voilà. À part ça, il n'y a pas de grand remplacement. Hein. Ça, c'est un fantasme. Alors moi, je suis assez d'accord avec Pierrot. Hein. Et c'est lié à la baisse du QI et au texte de rap. C'est-à-dire que, enfin, aujourd'hui, moi, je suis bien placé pour le savoir. Les jeunes, déjà, bon, 90% de la musique qu'ils écoutent, c'est du rap. Donc forcément, il y a une acculturation à ce niveau-là. Ils ne lisent plus non plus. Et même les livres qui vont sortir aujourd'hui sont écrits dans un français... très basique. Hein. Par exemple, moi, j'aime beaucoup lire Céline. Quand on compare la manière dont écrit Céline et la manière dont les auteurs écrivent actuellement leurs livres, il y a quand même une très très grosse différence. Et je ne suis pas étonné, mais je pense que ça touche bien sûr les nouveaux Français, hein, évidemment. Et d'ailleurs, nos compatriotes francophones. Continent africain, hein, qui ont du mal à comprendre le français, mais aussi la jeunesse blanche totalement acculturée et grand remplacée culturellement. Quoi. Oui, c'est vrai qu'il ne faut pas sous-estimer cette dimension aussi, oui, c'est très juste. Oui. Les vertus de la bougnoulisation. Hein. Alex. Oui, en l'occurrence, fallait-il commencer par Molière ? Molière, c'est pas le plus inaccessible des auteurs. Hein. Je l'ai lu quand j'étais au collège. Bon, alors vous me direz, c'était il y a un certain nombre d'années, donc peut-être que les choses ont évolué depuis, comme vous l'avez rappelé. D'ailleurs, les gens qui portent ce projet et qui veulent le réaliser admettent en creux finalement un déclin, hein, puisque ce sont, semble-t-il, des modernistes sur tous les plans. Mais pourquoi est-ce qu'ils veulent ce projet? Parce que, précisément, selon eux, il y a déjà une décadence. Bon. Mais Molière, c'est pas le plus difficile. Autant Racine, peut-être, c'est assez difficile, mais moderniser Molière, en faire un Vatican II de la littérature française avec en faisant du Verlan et en faisant des blagues de racaille, je crois pas que ça fera booster les ventes du Malade Imaginaire ou des Fourberies de Scapin. Oui, d'ailleurs, je suis en désaccord avec les propos de Michael. Hein. Les Français ne lisent plus. Je pense que si on regarde les chiffres de vente du Coran sur Amazon, les Français lisent. Hein. À mon avis, les Français lisent. Ils lisent pas de langue française, mais ils lisent. Je suis pas sûr que les musulmans lisent le Coran, entre nous soit dit, hein, en toute sincérité. Même le Coran, pour eux, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué. Hein, c'est compliqué hein. Le Coran pour les nuls, peut-être. Tu sais, même. Hein, non, on est quand même sur un phénomène d'Ayana Kamouraïsation, je tente des néologismes, j'essaye de suivre hein, la France, c'est pas toujours facile. Attention à l'américanisation de notre islamisation. Oui, c'est vrai, attention. Là, pour le coup, ce serait plutôt la japonisation de notre africanisation. Ça devient compliqué, c'est dur à suivre. Mais, en contrepoint, d'ailleurs, je fais un petit aparté, toutes nos négresses ne se japonisent pas. Nous avons eu Ise, hein, qui fait un retour en force. Donc là, c'est hommage à la culture médiévale bretonne. Hein. Ne soyons pas des déclinologues. Hein. Voilà. Ne pêchons pas par excès de pessimisme. Je parle d'Ise puisqu'elle a remporté, donc, enfin, ce espèce de quintal de Maffay, là, a remporté donc, les victoires de la musique, je ne sais pas quoi. Alors, je voulais juste dire un truc qui est très vrai en fait, ce que dit Alex quoi. C'est qu'en gros, il faut pas se payer de mots, d'accord. Ils disent voilà, simplifier, remettre au goût du jour. Non, c'est juste que le niveau médian des élèves s'effondre. Ça c'est d'une. Ça c'est le constat. Ensuite, les causes, bon, on les connaît, elles ont été dites par Pierrot, par Alexis. Donc en gros, l'immigration de masse, qui fait que dans les grandes villes françaises, déjà le public des écoles, public précisément, est largement africanisé, orientalisé, avec une acculturation généralisée qui est due à plusieurs choses. C'est-à-dire que de toute façon, le niveau de QI n'est pas là, et puis il y a une exposition permanente via les écrans, notamment, les téléphones portables, les tablettes, les PC, etc. Donc, ils sont constamment exposés à la sous-production culturelle américaine, et essentiellement d'ailleurs au rap. Ils n'ont déjà pas un langage d'un niveau très soutenu. Sous le phénomène de l'exposition culturelle que j'ai cité, ça s'aggrave encore. Donc ça, c'est pour l'halogénat qui se développe dans les grandes villes françaises et d'une manière générale dans les classes françaises. Mais il y a aussi, par effet de capillarité, la négro-bougnoulisation mentale des Français de souche. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, ça a été cité de toute façon par Michael, il y a vraiment un mimétisme dans l'acculturation qui s'opère. Et vous avez des jeunes blancs aujourd'hui qui sont infoutus d'accéder à un texte comme ça. Effectivement, ça pourrait être les femmes savantes, les précieuses ridicules, etc. Bon, voilà, et on ne peut plus, si vous voulez, on ne peut plus. Vous avez qu'à regarder le niveau du bac. Ça devient grotesque, quoi. Bon, donc à un moment donné, si vous voulez, vous avez une réalité face à vous. Vous avez un bouleversement racial qui traverse la démographie des écoles françaises. Vous pouvez essayer d'insister avec du Molière, des écrits classiques. Les élèves ne comprennent rien, d'accord, même en essayant. Et du coup, on se dit, on va écrire tout ça en petit nègre, en fait. On va écrire ça en petit nègre, et dans l'espoir qu'ils puissent en retenir quelque chose. Donc, c'est un nivellement par le bas. Voilà, un nivellement par le bas qui est présenté comme de juste... Dans le milieu de l'éducation nationale française ou affiliée, comme une innovation pédagogique, comme une nouvelle méthode d'attirer de nouveaux publics. Bon, ça, c'est du baratin, c'est complètement bidon. Voilà, donc c'est ça. Et le problème, c'est qu'au bout d'un moment, il y a un vrai risque, parce que les gens peuvent prendre ça en disant « Ouais, mais bon, c'est pas grave, on s'en fout, Molière reste, les textes originaux restent disponibles. » Le problème, c'est qu'au bout d'un moment... les versions simplifiées pour les nègres vont devenir les versions standards. C'est-à-dire que quand vous irez dans les magasins, il y a un fort risque dans une dizaine ou une quinzaine d'années que ces versions nouvelles soient toutes sauf marginales. D'accord ? Donc, vous aurez peut-être des pièces de Molière, quand vous les lirez, vous aurez l'impression d'écouter deux, trois nègres et quelques arabes discuter au pied d'une tour. C'est pas du tout interdit de le penser. Voilà. Moi, c'est ce que je voulais en dire. Bon, je sais pas ce que vous en, pensez. À ce sujet, j'avais vu sur Twitter un professeur qui avait fait réécrire la cigale et la fourmi, la fable de La Fontaine, donc la cigale et la fourmi, par des jeunes. Voilà. Donc ça donnait. La cigale avait mangé des kebabs tout l'été ou quelque chose comme ça, que je retrouve. Mais voilà, on va arriver vers ça, oui, comme tu le dis. Il y a un problème de logique, c'est-à-dire qu'on diminue la qualité des textes en langue française, alors que normalement, l'étude de la littérature, c'est censé avoir un niveau supérieur pour nous faire augmenter de niveau. Là, on fait un nivellement par le bas. Gros problème de logique. Je sais que... Il y a un problème aussi... J'aime pas utiliser ce mot, c'est un mot qui m'énerve. Intégration. Parce que moi, je suis pas... pour l'intégration, comme beaucoup de gens à droite, je suis très content que les medtech ne s'intègrent pas. Ça me fait bien plaisir. Je veux pas qu'ils s'intègrent. Voilà. J'ai pas envie qu'ils parlent français et qu'ils mangent un bœuf bourguignon et qu'ils connaissent le Dom Pérignon. Ça ne m'intéresse pas. Mais je sais que, par exemple, c'est pas pour parler de moi, c'est juste pour donner un exemple. Dans ma famille, lorsque mon grand-père est arrivé en France, il a dit très clairement, et c'était très courant d'ailleurs, la langue d'origine du pays, on la parle plus. Et s'il y a quelqu'un dans la famille qui ose parler la langue du pays, il s'en prend une, quoi. Parce qu'il fallait absolument s'intégrer à fond. Alors, précisons que tu parles d'un grand-père, parce qu'il y a des gens... Ah, mais en fait, c'est un Algérien. Non, non, c'est d'un pays européen. Européen. Ouais, d'un pays européen. Oui, bon, après, je peux faire couler des rumeurs, il n'y a pas de problème. Là, je pense que c'est un cheminement inverse, quoi. C'est assez inquiétant. Et d'ailleurs, pour reprendre, tu parlais de la... Comment elle s'appelait, la grosse, la Iseut, c'est ça? Iseut, ouais. Ouais, ouais. Elle a mangé Tristan. Mendes. Effectivement. Elle l'a dévoré. Qui nous écoute aussi, hein, qui nous écoute. Qui nous écoute, hein, ouais, c'est un fan. Je veux dire, donc, elle a remporté un prix de chanson d'interprétation féminine. Donc, elle a fait un petit speech après. Il est évident que cette femme, cette guenon, ne sait pas s'exprimer. Elle ne sait pas communiquer en langue française. C'est évident. Elle a un problème. Et c'est très inquiétant, en fait, surtout sur son niveau littéraire. Parce que si ça, c'est le top, on va dire, des nègres, ça fait peur parce que... Quand vous essayez de comprendre une langue étrangère, j'imagine que pour elle, le français est une langue étrangère, le niveau de diction est forcément supérieur au niveau d'écriture. C'est souvent comme ça, la logique. Donc, je ne sais pas comment est-ce qu'elle écrit le français. On arrive, en fait, je pense qu'il va vraiment avoir une coupure de plus en plus nette où, à la fin, les gens ne vont même plus se comprendre. Vraiment. Ah oui, ça c'est... Oui. J'avais même lancé cette piste de réflexion il y a... peut-être un an et demi de ça dans l'émission, j'avais dit que, bon, je suis très certainement pas le seul à avoir émis cette hypothèse, mais que la langue française, en fait, va se bâtardiser. Elle a déjà commencé, en fait, hein, quand vous, dans le langage des banlieues, etc., mais avec l'effet aussi du langage SMS. Parce que le langage SMS, au départ, c'est juste une abréviation. Mais au bout d'un moment, ça devient la prononciation, vous voyez, une espèce de phénomène de réverbération, en fait. Et donc, nous allons, je pense, assister à une espèce de bâtardisation, de balkanisation de la langue française, d'accord, avec l'apparition de patois bizarres, et au bout d'un moment, on ne comprendra plus du tout ce qui se dit. Ça sera une espèce de nouveau créole, d'accord. Dans telle ou telle ville, voilà. Enfin, ça, j'y crois beaucoup. Et vous voyez d'ailleurs que justement, c'est ça, quand vous voyez ce type d'initiative, en fait, c'est ce qui se produit, c'est-à-dire que on abandonne l'idée d'un français standard, voilà, et on dit ouais, bon, là, on va commencer. Ils comprennent pas. Il faut utiliser des images. Bon, au départ, c'est des images, hein, puis ensuite, ça va devenir des onomatopées. Et à la fin, ça sera des borborigmes. On va en finir là, hein, avec les nègres, c'est clair. Hein. Et alors, pour en revenir au quintal, là, Iseut, ça m'arrache la langue de voir un quintal de Maffé porter le nom d'Iseut. J'ai du mal à dormir. Je crois vraiment qu'elle n'a pas compris et qu'elle prononce le L. Hein. Ah oui, non, elle est, oui, non, non, mais quand elle a parlé, le premier mot qu'elle a dit, c'est putain. Tu vois, elle a le prix et tout, il y a le micro, elle dit putain. Voilà, bon. Elle est française, non, français. Mais ça vient, c'est, et en plus, elle vient pas du Tiekar, tu vois, c'est quelqu'un qui a grandi dans l'Aisne, etc. Elle a été plutôt favorisée, de ce que j'ai cru comprendre. Elle vient pas d'une banlieue pourrie, elle vient pas de Trappes, quoi, d'accord. Oui, elle m'aurait pas de faim, je pense. Non, toujours pas d'ailleurs. Hein. Elle joue un personnage qui se victimise. Moi, ça me fait toujours marrer de voir les nègres qui surjouent leur virilité. Quand vous les écoutez parler, ce sont des victimes, d'accord. Ce sont les victimes du grand méchant blanc. Alors vous les voyez, ils sont gros, ils sont gras, ils ramassent du blé, etc. Mais c'est des victimes. Donc, double gagnant, quoi. Ils gagnent le fric et en plus, ils peuvent se victimiser, pratiquement prétendre hein, qu'ils sont en train de faire la manche au coin de la rue, alors qu'ils ont plus de blé que n'importe quel tourneur-fraiseur autochtone. Hein, je veux dire, bon, et voilà, c'est l'imposture. Il y a vraiment une indécence là-dedans, parce que quand vous regardez les vrais SDF en France, les SDF, c'est tout le temps des Français de souche. Quand vous regardez les paysans français qui sont aujourd'hui sous-payés, qui se suicident, etc. Bon, ça, c'est de la vraie misère, vous n'en entendez jamais parler. Et vous voyez ces gros parvenus de nègres qui sont en train de pleurer à la télévision alors qu'ils sont en train de se faire couvrir d'or, mais c'est à dégueuler, quoi. Et ça, c'est France Télévisions, oui. C'est France Télévisions, c'est la télévision d'État de la France juive. Et c'est tout à fait raccord. Bon, voilà. Et, donc, il y a une évolution des textes, effectivement, une évolution des textes. Je n'étais pas fan de variété française, personnellement, mais il faut quand même admettre que du temps de la variété française, c'était encore quand même français. C'est quand même encore français. Là, on est sur autre chose. Hein. On est. Moi, je regarde Aya Nakamura, etc. Enfin, c'est effrayant. C'est effrayant, je veux dire. Il y a pratiquement pas de texte, d'accord ? Pratiquement pas de texte. Le peu de texte que vous avez, c'est d'un niveau à pleurer. Et tu vois une femme obèse qui est femme. Oui, voilà, une Vénus autantote en maillot qui remue sur la scène, quoi. Franchement, on tombe au niveau des nègres. On tombe, quand on regarde ce que c'est, enfin, aller faire un tour dans n'importe quel musée, même pas un grand musée français, mais je veux dire, même un musée municipal d'une ville d'une belle taille, on va dire, que ce soit à Nantes, Poitiers, voilà. Bon, regardez ce qu'était le niveau des arts français pendant des siècles, regardez ce que c'est aujourd'hui. Ce sont des nègres qui font ce qu'ils ont toujours fait dans leur savane. Donc on parle de régression de millénaires qui se passent sous nos yeux. Hein, tout ça grâce aux médias juifs. Incroyable, mais vrai. Incroyable, mais vrai. Donc il n'y a pas de raison que le système éducatif soit épargné. Il n'y a pas de raison, je veux dire. Pas de raison. Hein. Tout ça est cohérent. Hein. Puisqu'on parle de littérature, attention quand même à ne... C'est ce qu'on va te reprendre, mon cher Gandalf. Reprends-moi. On ne dit plus le mot nègre. Hein. Les dix petits nègres, par exemple, on n'a plus le droit. Hein. Comment ils ont rebaptisé ça? J'ai oublié. Ils étaient dix. Ils étaient dix. C'est ça le titre. Ouais. Ok. Sarkozy avait fait une petite sortie là-dessus. Oui, c'était, brouillé, c'était offusqué là. Mais Sarkozy, tu vois, qui est pourtant un antiraciste militant, hein, il est déjà has-been, quoi. Tu vois, il n'a pas compris que dans la France du 21e siècle, la littérature française, c'est suprémaciste. Il faut comprendre ça, hein. La littérature française, Molière est suprémaciste. Avoir un niveau de français de ce genre, c'est suprématie, c'est exercer une suprématie raciale sur les racisés. Ouais, donc c'est intolérable. Donc de deux choses l'une, soit on se débarrasse du privilège blanc, on abat la suprématie blanche, on pulvérise le racisme systémique, et auquel cas on se débarrasse de la littérature française, ou alors on accepte d'embrasser la suprématie blanche et on défend Molière, mais il y aura pas de médian, quoi. Hein. Ça sera pas toléré. Hein. Mais vous allez voir qu'on, les gens vont dire, je rigole et tout. Non, mais on va arriver là-dessus. Je pense qu'on y est même déjà. Hein. Je pense que sur certains campus en France, je pense qu'il y a déjà des allumés qui sont en train de tenir ce genre de discours, hein, de dire voilà, la littérature française, grosso modo, c'est de la littérature oppressive. D'accord. Moi, j'ai pas vu de trucs suprémacistes, mais j'ai déjà lu des histoires de charge mentale, tu vois. T'es pas très loin de la réalité, Gandalf. Ouais, mais je pense qu'on va arriver à un moment, parce que là, il commence avec le général Bugeaud. Alors, vous allez me dire de quoi il parle. Vous savez, le mouvement de changement de nom de rue. Alors, le général Bugeaud, qui est un général qui est mort, quoi, au milieu du 19e siècle. Bon. Alors, on lui reproche, d'ailleurs, Apathy est un, vous savez, cette tête à claque, là, le socialiste du sud-ouest, là. Qui officie dans les médias. Il voulait dynamiter Versailles, lui. Bon, pourquoi pas. Alors, il voulait dynamiter Versailles. Alors, lui, son obsession, c'est Bugeaud. Ça, c'est son obsession. Je ne sais pas pourquoi, il veut absolument envoyer des signaux aux Algériens. Je ne sais pas d'où lui vient cette obsession. Je ne sais pas. Mais alors, donc, lui, il veut absolument qu'on débaptise tout ce qui peut, en France, porter le nom du général Bugeaud. Donc ça peut être des écoles, ça peut être des rues, etc. Alors, là où je voulais en venir, c'est que si vous suivez le fil logique de ce genre de proposition, donc Bugeaud est accusé d'avoir fait la guerre à des bougnoules. Ça va, si les militaires français ont fait la guerre à d'autres peuples européens, c'est bon, on peut garder leur nom, etc. Mais alors par contre, s'ils ont touché un cheveu d'un nègre, un cheveu d'un bougnoule, ah là, c'est plus possible. Ah là, il faut enlever les noms de partout, les statues, il faut les déboulonner, etc. Alors, évidemment, il suffit de suivre le fil logique de ce genre de proposition. On va aller vers une grande vague d'iconoclasme. On en a connu une au mois de juin, rappelez-vous, tout de suite dans la foulée de l'affaire Floyd, de la non-affaire Floyd, devrais-je dire, où on a vu des hordes de nègres surexcités à côté de l'Assemblée nationale qui voulaient arracher la statue de Colbert. Bon. Mais ça, ça va se généraliser. Et ça ne va pas se limiter au statut. Nous allons voir que des auteurs vont être supprimés. Des auteurs ont déjà été supprimés, ostracisés, comme Céline, tu citais Céline, par les Juifs. C'est les Juifs qui ont initié ce mouvement, comment dirais-je, de nihilisme culturel, au nom de leur racisme et de leur fanatisme. Donc c'est eux mais qui ont... Mais qu'est-ce qu'il y a, ils veulent nous tuer ou quoi? Non mais c'est vrai, c'est eux qui ont dit, bah, on peut pas parler de Céline, on peut pas citer Céline, bon... Oui, mais au bout d'un moment, les autres, ils... Ah ouais, ben, nous aussi, on a des noms. Et le problème, c'est que si vous intéressez à toutes les grandes figures de la littérature française, vous allez trouver tout ce qu'il faut trouver pour les délégitimer. Même Victor Hugo, la grande figure de la gauche en France. Victor Hugo a écrit des récits sur les nègres, je vous assure, je pourrais les signer moi-même. À l'exception de la qualité littéraire, je veux dire, mais je pourrais signer l'esprit de la lettre, je pourrais totalement le signer. Et ça c'est bien, ça c'est un vrai récit, ça. Vous voyez ? Un vrai récit, très, très, presque ethnographique, et tôt ou tard, les racisés, hein, donc, ils vont dire non, c'est plus possible. Tous ces vieux blancs, on ne veut plus en entendre parler. Donc là, pour le moment, on parle de modifier... la structure des phrases, de changer le champ lexical, etc. Bon, vous avez bien compris que ça va aller beaucoup plus loin. Ça va aller beaucoup plus loin. Donc la question, c'est qui va résister à ça? Et moi, au sein de l'éducation nationale, je ne vois personne essayer de résister. Puisqu'ils sont tous acquis, hein, tous ces trotskistes. Parce que tous les programmes sont écrits par des idéologues trotskistes qui viennent des franges les plus radicales de l'extrême-gauche. Hein, et qui sont les tenants de cette idéologie. Ce qu'ils appellent la déconstruction, mais c'est même pas de la déconstruction, c'est du nihilisme pur. Donc, au bout d'un moment, pour les élèves, alors pour les élèves blancs, qui eux veulent apprendre, il y aura une scission, parce que c'est pas possible, si vous voulez, de mélanger des nègres complètement hébétés, des pédagogistes fous, et des élèves, enfin des petits Français de souche qui ont les compétences, la capacité, la volonté de travail pour apprendre et avoir une réelle culture, quoi. Donc je vois pas ça bien évoluer, quoi. Je crois pas. Je sais pas ce que vous en pensez, mais aux États-Unis, ils déboulonnent les statues des grandes figures américaines. Mickey a donné l'exemple de certains profs qui font des mises à jour douteuses de poésie. Classique française, je pense qu'on va arriver à Molière en Wolof, et là, on sera bon. Alors, j'ai vu ça récemment, c'était cette semaine, j'ai vu qu'aux États-Unis, dans un État, je ne sais plus quel État américain, le système éducatif quoi, conteste le fait qu'il existe des mathématiques objectives, au sens où les mathématiques objectives telles que nous les enseignons seraient en fait la production du suprémacisme blanc. Donc sous-entendu, si les nègres sont pas capables de calculer, en fait, c'est parce que les mathématiques telles qu'elles sont conçues, en fait, sont conçues pour des blancs. Donc en fait, il y aurait des mathématiques pour les noirs, voilà. Et alors, y a tout un courant, un réel courant, hein, qui dit qu'en fait, il faut des mathématiques pour les nègres, hein, des mathématiques spécifiques, tu vois. Ou 2 plus 2, ça fait 5, ou ça fait 7, ou ça fait ce que tu veux, tu vois. C'est en fonction de ce que peut dire le nègre, quoi, tu vois. Je ne déconne pas, c'est très sérieux, c'est un mouvement qui prend de l'ampleur aux États-Unis. Oui, je suis tout à fait d'accord. Et puis d'ailleurs, je souhaite que l'on n'enseigne plus non plus le théorème de Pythagore, parce qu'il semblerait que Pythagore avait autour de lui des élèves. Il avait une sorte de rapport sectaire, dit-on. Il obligeait, je crois, ses élèves à manger des petits pois une fois par jour, un truc comme ça. Donc, vu qu'il était sectaire, à mon avis, il faut arrêter complètement le théorème, quoi. C'est un raisonnement par l'absurde, mais tout ça, c'est pour dire évidemment qu'on pourra toujours trouver quelque chose. Comment dire, pour essayer de salir quelqu'un a posteriori sans qu'il ait la possibilité de se défendre. C'est la même chose, par exemple, Charles Richel, prix Nobel de médecine en 1913, qui avait écrit quelques années après son prix Nobel, L'homme stupide, dans lequel il parle des défauts de l'humanité en général. Et il y a des chapitres qui sont consacrés par un pot noir, qui sont pas piqués des hannetons, et c'est la raison pour laquelle on a débaptisé des hôpitaux des hôpitaux Charles Richet. Bon. Et ironie du sort, là, en pleine période de vaccination pour le Covid-19, les médecins doivent rester à côté des patients pendant 20 minutes pour éviter un choc anaphylactique, c'est-à-dire une substance étrangère entre dans le corps humain et il peut y avoir une surréaction du système immunitaire, donc c'est pour ça que les médecins ont de l'insuline avec eux en cas de problème. Et l'anaphylaxie a été découverte par qui ? Par Charles Richet en 1911 dans un livre, enfin qu'il a résumé ses travaux dans un livre et il a eu le prix Nobel pour ça. Donc, mais ça par contre, évidemment, on va pas le rappeler, quoi. On va faire de lui un raciste ou alors on va pas en parler de Charles Richet. Oui, on est en pleine période obscurantiste où en fait tout se moralise. Donc là pour les mathématiques, c'est caractéristique, c'est que les faits objectifs sont remis en question parce que on estime que le péché du racisme flotte. Il y aurait une infraction à la morale antiraciste, donc l'information qui est transmise dans le cadre de l'enseignement des mathématiques est suspecte et donc faudrait s'en débarrasser. Voilà, donc il n'y a pas simplement les auteurs dont il faudrait se débarrasser, il y a aussi littéralement les matières en tant que telles, voilà, parce qu'elles seraient frappées d'immoralité. Voilà où on en est. C'est de la folie furieuse, hein, mais c'est un mouvement général, hein, d'égalitarisme total. Qui évidemment l'égalitarisme. Qui est considérablement renforcé par l'antiracisme, en fait. C'est-à-dire que le problème que vous avez avec vous avez l'égalitarisme d'une part, mais comme vous avez le mur biologique de la race qui se rappelle constamment dans les sociétés démocratiques à tous, le problème c'est que là vous avez constamment cette question qui est lancinante, d'accord ? Et les égalitaristes fous proposent d'accélérer, quoi. Et ceux qui intègrent la réalité disent, attendez, il y a des obstacles tangibles d'ordre génétique face à nous, les nier ne fera que tout empirer. Et donc, on voit ce type de mesure, c'est-à-dire que, ça marche pas, hein, l'égalitarisme ne marche pas, parce qu'on bute en fait sur... la médiocrité de ce genre de population, etc. Et en fait, ils proposent d'éliminer les meilleurs, en fait. C'est-à-dire les blancs. En fait, c'est ça. Hein. C'est juste... c'est une jalousie qui s'exprime en permanence, parce qu'ils n'arrivent pas au niveau des blancs. Donc ils disent, bon, puisqu'on n'arrive pas à leur niveau, on va s'en débarrasser, on va se débarrasser d'eux. Voilà, c'est ça la réalité. Oui, puis il y a aussi le rapport... Alors effectivement, il y a les considérations d'ordre génétique que je ne nie pas, mais... il y a aussi le fait que tout simplement, en Afrique et tout ça, c'est des cultures, enfin, oui, je vais appeler ça des cultures, chacun pense ce qu'il veut, mais orales, essentiellement orales, le rapport à l'écrit n'est pas du tout le même. C'est pour ça que dans plein de pays, en Côte d'Ivoire et tout ça, vous avez la moitié de la population au moins, adulte comme enfant, qui ne lit pas, qui ne savent pas lire. L'écrit, c'est l'Europe, historiquement, c'est Gutenberg, l'invention de l'imprimerie, c'est... Et donc aujourd'hui, les blancs, les jeunes blancs, il ne faut pas se voiler la face, hein, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ils sont touchés par un phénomène de dégénérescence, et ils écoutent Jules, qui est lui-même un blanc, je crois, bande organisée, tous ces trucs-là, qui sont à pleurer, hein, je crois qu'on vaut mieux que ça, je reviens sur la culture dite classique qu'on présente, parce que là, le sous-entendu, notre point de départ de la discussion, faut-il réécrire Molière, c'est parce que la culture classique, ce serait difficile. Alors, il existe certaines choses difficiles. Je pense que Racine, c'est assez dur, par exemple. Mais Molière, je pense pas que ce soit particulièrement... La Fontaine, on a parlé de La Fontaine, toi, c'est pas particulièrement dur. Des enfants, aujourd'hui, peuvent très bien encore lire La Fontaine. Et puis d'ailleurs, il y a au-delà de la simplicité en apparence, puisqu'il met en scène des animaux et tout ça, bon, il y a une profondeur philosophique qui a été étudiée par certains, des doubles sens, des allusions à des choses bibliques parfois ou mythologiques, etc. Donc la culture classique, elle est à la fois simple, belle et puis profonde en réalité. Et c'est par exemple quand on va aussi un ballet comme Casse-Noisette ou Le Lac des Cygnes de Tchaïkovski, par exemple. On voit à la fois un spectacle musical et en même temps un spectacle de danse. Et ça, c'est accessible à des enfants comme à des adultes. Et ça n'évolue pas Enfin, théoriquement, à mon avis, ça n'a pas évolué. La chose a été composée, la musique a été composée, la danse a été composée, elle doit rester ce qu'elle est, et c'est ça qui fait que c'est beau, et que quand... je sais pas, moi j'appréciais... Quelques fois où je suis allé voir ce genre de spectacle, j'appréciais particulièrement de le voir, parce que on voit les années passent, on est en 2020, 2021, etc., mais en fait, cette œuvre-là, comme d'autres, elle est préservée dans son intégralité, et c'est en même temps le témoignage d'un patrimoine européen, en l'occurrence, et c'est ça qui est beau, je trouve. Alors, messieurs, on va quitter la rééducation post-nationale pour nous embarquer à destination d'un monde qui est tout aussi peu enthousiasmant, qui est celui de la tyrannie sanitaire, mais dont il faut bien parler, somme toute. Je vais passer par la bande, en fait, pour vous en parler. Alors, c'est passé dans l'Obs, cette information est passée dans l'Obs. J'ai pas pu m'empêcher de vous en parler. Alors, je vous lis cet article. Est-ce qu'on ne pourrait pas expérimenter l'arrêt du contrôle d'identité ? S'interroge ce vendredi 12 février la défenseure des droits. On parlait du massacre de la langue française, avec l'aval d'ailleurs, le concours hein, de l'Académie, bien sûr. Donc, la défenseure des droits, Claire Hédon, au micro de France Info. Une manière, selon elle, de limiter les discriminations. Je parlais d'égalitarisme fou, nous y sommes. L'idée est exprimée le jour du lancement de la plateforme anti-discrimination annoncée par Emmanuel Macron en décembre dernier, dans un contexte marqué par l'affaire Michel Zecler, ce producteur de musique noire tabassé par des policiers. Gérée par les services de la Défenseure des droits, elle permettra de signaler des cas de discrimination sur Internet ou par téléphone au... Je vous donne pas le numéro parce que ça vous en aurait pas besoin. Alors, mes grandes inquiétudes, c'est la question des contrôles d'identité, souligne Claire Hédon, qui ajoute que cela fait un moment qu'elle demande que soient menées des expérimentations, parce qu'au bout d'un moment, dans certains quartiers, pour certains jeunes, cela devient insupportable. La solution, selon elle, expérimenter l'arrêt du contrôle d'identité et mettre en place des zones sans contrôle d'identité. Dans 95% des cas, les contrôles d'identité ne donnent rien. Dit-elle, hein, à l'argument qui lui est opposé, celui de la difficulté de quantifier le nombre de contrôles, elle rétorque « Mais qu'est-ce qu'on est en train de faire en ce moment avec le couvre-feu et le confinement ? On a été capable de savoir le nombre de contrôles qui ont été faits et le nombre d'amendes qui ont été données. Cette idée est applaudie par plusieurs organisations, dont SOS Racisme. Ça permettrait de sortir des fantasmes, plaide Dominique Sopo sur France Info. » Voilà. Alors, messieurs, vous allez vous demander pourquoi je parle de tyrannie sanitaire, puisqu'on nous parle de suspendre les contrôles dans certaines zones. Alors, j'y reviendrai, mais je vous donne d'abord la parole sur le contenu des déclarations de la défenseure des droits. Hédon, hein, de son nom de famille. Hédon, je crois. Oui. Alors, je précise qu'elle est à l'origine, ça ne vous surprendra pas du tout d'ailleurs, c'est une journaliste. Hein. C'est une journaliste à l'origine. Hein. Donc, une militante d'ultra-gauche, quoi. Je précise, quoi. Alors, est-ce que vous ratifiez ces propositions très audacieuses de dispenser les nègres et les bougnoules dans les quartiers ultra-criminogènes de contrôle d'identité ? De quoi ils se plaignent, en fait, hein. Je veux dire, Théo, il a eu une coloscopie gratuite à nos frais, quand même. Hein. Donc, c'est plutôt plus, un cadeau qu'on leur fait. Plus une visite du président de la République himself, quand même. Ouais. C'est le premier enculé officiellement reconnu par la République. C'est quand même... c'est une distinction, je veux dire. D'ailleurs, il chante maintenant. Il n'est pas castrat. Mais ah oui, j'ai vu ça, pour se reconstruire. Je sais pas si ça va lui reconstruire l'anus, mais bon. Mais t'imagines, les trous du cul, on est quand même dans un drôle de pays, parce que tu vois, tu crées maintenant une notoriété sur le fait que tu aies eu théoriquement l'anus déchiré par un tonfa lors d'une interpellation. C'est quand même fascinant. Tu deviens chanteur parce que tu t'es fait enculer accidentellement quand même. Hein. France. Projet républicain. Alors, Je voulais, pourquoi j'ai cité ça en fait? Bon, déjà en soi, la proposition est absolument ahurissante. D'ailleurs, moi je suis pour la suppression de ce truc, le défenseur des droits. C'est, je veux dire c'est, franchement, hein, je veux dire, autant nommer Olivier Besancenot magistrat suprême en France, parce que c'est du même ordre quoi. Ce sont des militants d'ultra-gauche auxquels on donne des positions, etc., pour alimenter constamment leur délire. Enfin, c'est de la folie furieuse, on ne trouve ça qu'en France. Et elle propose de créer carrément des zones. Bah, en fait, ce qu'elle propose, c'est l'officialisation du fait qu'il y ait des zones où le privilège halogène est consacré. D'accord ? Donc ce sont effectivement des zones de non-droit, au sens strict, qui sont reconnues comme telles, où les flics ne peuvent même plus demander gentiment les papiers à un type qui a l'air louche. Non, non. C'est, voilà, ce n'est même plus tolérable dans cette république finissante. C'est même plus tolérable. Et on nous dit, voilà, il faut carrément des zones... Alors, en fait, il y a déjà des zones inaccessibles aux flics, en réalité. Mais il s'agit d'accompagner le mouvement, de le formaliser, de l'officialiser. Tout ça au nom, évidemment, des théories éternelles contre la lutte, contre les discriminations, alors qu'on se fait envahir. Hein. Donc, les envahisseurs réclament des droits, si vous voulez, sur nous, c'est-à-dire le droit pour nous de fermer nos gueules, de même pas savoir ce qu'ils trafiquent dans les quartiers qu'ils ont conquis, quoi. Bon. C'est intéressant. Alors, dans le même temps, et j'en viens au point sanitaire, dans le même temps, les Français sont actuellement sous couvre-feu. C'est-à-dire que après 18h, si vous sortez de chez vous, il faut votre autorisation. Normalement, vous n'avez pas le droit de sortir de chez vous, mais enfin, si par hasard vous devez sortir pour une urgence, il faut une justification. Voilà, donc, on n'a jamais demandé autant aux Français de justifier de leur mouvement. C'est jamais vu dans l'histoire de France, d'accord ? Pratiquement, pour ainsi dire. Même pour aller chercher une baguette, il faut une autorisation. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce que proposent ces représentants gouvernementaux? C'est d'exonérer les halogènes, qu'on engraisse gratuitement d'ailleurs aux frais des Français sur tout le territoire, d'exonérer du peu de choses qu'on pouvait leur demander, de les exonérer totalement pour qu'ils puissent se livrer à tous les trafics. Voilà ce qui se passe aujourd'hui. C'est en direct, c'est face à nous, c'est sur France Info. Voilà. Ce que je trouve génial, c'est c'est au même moment, je veux dire, d'accord ? Ça se serait passé en 2019, sans confinement, sans rien. Je dis, oh, tiens, encore une proposition de gauchiste, tu vois. Mais là, vraiment, quoi, hein, les Français sont vraiment mais fliqués à outrance, quoi. Fliqués à outrance. Tu peux plus te déplacer nulle part. T'es suivi partout. Ils déploient des drones. Enfin, c'est du délire, quoi. Hein. Et c'est là qu'ils arrivent. Avec cette proposition, en disant, ouais, quand même, demander leur pièce d'identité voilà, à ces jeunes. Je veux dire, toutes les semaines, ils innovent, quoi. Je ne sais pas ce que vous en pensez de ce truc, mais... Vas-y. Très rapidement, Macron disait, quand on a une couleur de peau qui n'est pas blanche, on est plus souvent contrôlé. Donc là, c'est l'inversion totale. Non, mais oui, sinon, bien sûr, on est dans la société du contrôle le plus intégral, et c'est absolument révoltant, et c'est plus facile de demander ses papiers d'identité à quelqu'un qui travaille, quelqu'un qui est un honnête blanc français de souche, qui a toujours payé ses impôts, etc., plutôt qu'à quelqu'un d'agressif, hein. Donc mieux vaut, quelque part, le justifier par la loi quand on est dans ce genre de position, quoi. Il y avait Pierrot qui voulait parler. Oui, la raison invoquée par cette pute, c'est parce que apparemment les personnes racisées, j'essaie de me mettre au niveau, hein, les personnes racisées qui sont contrôlées, et ben en fait à la fin les contrôles dégénèrent pour des raisons sociologiques qui m'échappent. Je sais pas si vous, chers participants, vous êtes déjà fait contrôler par les flics, c'est déjà arrivé, mais comment ça se passe? Bah le flic il dit bonjour monsieur, vos papiers s'il vous plaît. Et puis je lui passe, puis ça dure 2-3 minutes, puis il me les rend, puis il me dit bonne journée. Et bizarrement, quand c'est des nègres ou des bougnoules, ça se passe pas comme ça, voilà. Pour des raisons qui m'échappent. Voilà. En fait, les nègres et les bougnoules sont constamment dans le rapport de force territorial, en fait. Donc ce qu'ils contestent, en fait, et ça c'est pour ça que le baratin d'extrême gauche, c'est bon pour les couillons, c'est qu'en réalité les nègres cherchent à affirmer leur souveraineté sur tous ces territoires. Pour couvrir constamment des trafics de tous ordres. Évidemment, ils ne veulent pas que les flics viennent fourrer leur nez dans tout ce qu'ils trafiquent. C'est clair, quoi. Donc, ils contestent en permanence la capacité qu'ont les policiers à s'intéresser à leurs affaires, à la souveraineté, en fait, de la police, et ce faisant, de l'État sur ce type de territoire. D'ailleurs, voilà, donc, je veux dire, c'est pas une histoire de discrimination, c'est une histoire de lutte pour le contrôle de territoires entiers, d'accord, sur fond d'économies parallèles, généralement trafic de drogue, d'ailleurs. Donc, c'est là qu'en fait, on voit que la gauche, l'extrême gauche, et aujourd'hui, donc, la défenseure des droits, se fait la complice des revendications de tous les trafiquants de dope de France et de Navarre. Enfin, c'est extraordinaire. Et c'est pris en considération. C'est-à-dire que c'est sur France Info maintenant. Sur France Info, les doléances des dealers de dope français, enfin français, vous avez compris, quoi, du territoire français, parce que c'est essentiellement des Maghrébins et des Noirs, hein. Sont pris en considération. Alors, on en discute, voilà. Comment dirais-je, Macron est complice de ce truc. Pourquoi je dis ça? C'est que c'est pas juste parce que c'est le président de la République, c'est qu'on le voit, c'est cité dans l'article, c'est qu'il a mis en place un site de dénonciation des Français. D'accord? Donc maintenant, les métèques, donc le dernier Algérien qui vient de poser le pied en France peut prendre simplement son téléphone et dire là, le Français, il a mal parlé, il a tout ce monde-là, tout ça. Tu vas avoir une enquête. Pour faire chier un Français, tu vois, qui bosse. C'est Macron qui a pris cette initiative et qui sort des trucs ahurissants. Le mec, il dit, ouais, quand t'es un basané, t'es plus contrôlé. C'est peut-être parce que quand t'es basané, tu fais beaucoup plus de trucs à caractère illégal, je sais pas. Peut-être, hein. C'est ça que je ne supporte pas, c'est cette démagogie. Macron joue le démagogue, ok. C'est pas nouveau chez les politiciens, mais là, c'est insupportable. C'est insupportable. Se livrer à cette basse démagogie en faisant semblant de ne pas comprendre pourquoi les bougnoules et les nègres se font contrôler du matin au soir dans leur quartier de merde, quand t'es président en exercice, alors que t'as toutes les statistiques du crime sous le nez, avec bien évidemment tous les chiffres, de l'implication des différentes communautés dans ces crimes. C'est du foutage de gueule, ok? Alors, les mecs, ils justifient ça par les élections. J'en ai rien à foutre. Le fait est que Macron fait de la basse démagogie. Il leur laisse une ligne de téléphone pour que des millions de métèques puissent s'amuser à dénoncer qui ils voudront et à qui ils remettent les clés de cet instrument de dénonciation à une journaliste d'extrême gauche à laquelle on a donné le titre de défenseureux des droits. Et cette grosse putain va se démener pour permettre à la pire vermine venue du fin fond du bled algérien, des pires coupes-gorges d'Afrique. Les mecs, ils arrivent en France, la main devant, la main derrière, hein, ils ont rien à bouffer, on leur donne tout, tu vois. Et les mecs, ils ont encore une ligne spéciale pour cracher à la gueule des Français. Offert gracieusement par Macron et géré par une espèce d'ignoble, putain d'extrême-gauche qu'on a nommé là pour faire ça. C'est ahurissant. Pendant ce temps-là, les Français, donc il faut les dispenser, donc tous les métèques en dispense de contrôle, les autres, ils sont tous chez eux, les Français sont chez eux, ils sont bouclés à 18h. Tu sors, t'as un gendarme qui te saute dessus. Vous allez où, monsieur? Mais c'est du délire, franchement, c'est du délire. C'est même plus l'asile à ciel ouvert. Il n'y a plus les termes pour décrire cette situation qu'on vit là. On est vendu par les dirigeants français. On est vendu par ces gens-là. D'accord? À la limite, si vous voulez, les bougnoules et les nègres, ils sont très largement spectateurs de tout ça, d'accord? Ils font les bougnoules et les nègres, ils font des émeutes raciales, ils font du trafic, mais au plan politique, ils ne sont pas du tout moteurs. Donc là où ça déconne très sérieusement, c'est au niveau de l'appareil d'État, c'est au niveau des décisionnaires. C'est là que ça déconne à plein tube, et plus qu'à plein tube. Et on est plus que trahi, on est trahi, survendu, surpoignardé dans le dos. Voilà. Bon, j'enfonce des portes ouvertes, mais enfin, je suis médusé devant ce genre de truc. Pourtant, Jean Castex a dit que le confinement serait maintenant plus rigoureusement surveillé dans les quartiers populaires et puis qu'on ferait des contrôles aux frontières. Tu crois pas qu'il a raison? Ah, il a fait cette déclaration? Bah, c'était au moment où tout le monde s'attendait au confinement, là, au troisième confinement, c'était il y a 2 semaines environ. Il a dit finalement, finalement on fait pareil, 18h sur tout le territoire, mais on fait des contrôles aux frontières et puis on surveille un peu les quartiers, puis finalement, donc il n'y a pas eu officiellement de troisième confinement. Mais c'est pareil que quand Macron avait dit, on en reparlera peut-être tout à l'heure de ces sujets-là, mais quand il avait dit suite à la décapitation de Samuel Paty, comment dire, il faut que la peur change de camp. Bon, bah, y a des gogos qui vont le prendre au premier degré, qui vont penser que Macron va mener une politique identitaire ou qu'il va faire je sais pas quoi. Bon, et tout ça c'est des mots, quoi. Donc, mais ce qui est certain, comme c'est les faits, quoi, ce qui se passe, et ce qui se passe, c'est des choses qui sont défavorables strictement à la population de souche, au profit des allogènes d'un côté, et au profit de la haute élite ou pseudo-élite de l'autre, puisque c'est pareil, les restaurants sont fermés, etc. Mais il y a eu des contrôles qui ont été faits inopinés, ou je sais pas quoi, dans des restaurants ouverts clandestinement, où il y avait, comme par hasard, des magistrats qui mangeaient. Donc, c'est des gens qui acceptent de boucler la population, de la maintenir chez eux, d'interdire aux gens d'aller éventuellement aller à l'auberge locale, mais qui, par contre, eux aiment bien quand même manger, dans certains restos et qui, quand même, aimeraient bien que la loi ne s'applique pas pour eux, quoi. C'est toujours pareil. C'est toujours pareil. Alors en tout cas, bonne nouvelle, hein, avec votre pognon, les Algériens pourront téléphoner à Edon pour vous faire cracher des sous, parce que vous êtes raciste dans votre pays. Voilà. Magnifique. Ça valait le coup d'être mentionné, hein, ça valait le coup d'être mentionné. Alors les gars, rubrique numéro 3, la dictature juive. Mais en fait, vous allez me dire, hein, tyrannie sanitaire, dictature juive, y aurait-il un fil conducteur? Oui, vous l'avez bien compris, il y a un fil conducteur, et je voulais précisément en parler avec vous aussi. Alors c'est un peu la nouvelle du milieu, hein, de cette fin de semaine. Début de semaine pour nos auditeurs, hein, puisqu'on sera mardi lors de la diffusion, comme de juste. Donc, annonce, hein, de la dissolution de Génération Identitaire. En tout cas, le lancement de la procédure de dissolution. Alors, je vous lis cet article, toujours de France Info. Donc, ceux qui veulent, hein, qui se font écho des demandes pressantes de la création de zones sans contrôle d'identité pour les Bougnoul et les Nègres. La dissolution de Génération Identitaire a été notifiée ce vendredi soir à l'organisation d'ultra-droite, a appris ce samedi France Info auprès du ministère de l'Intérieur. Désormais, Génération Identitaire a 10 jours pour répondre à cette annonce. Si aucun élément nouveau n'est apporté, la dissolution de l'organisation est très probable sous 15 jours, selon Beauvau. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, s'était dit scandalisé mardi 26 janvier par les opérations anti-migrants de Génération Identitaire dans les Alpes et les Pyrénées. Alors c'était uniquement dans les Pyrénées, hein, en janvier. Et l'opération dans les Alpes, il y avait une plainte, il y a eu un procès et ils ont été blanchis. Alors je continue de lire l'article. « Si les éléments sont réunis, je n'hésiterai pas à prononcer la dissolution », avait alors déclaré le ministre. Plusieurs élus d'Occitanie avaient également demandé la dissolution de ce groupuscule d'extrême droite violent et dangereux. Après leur action coup de poing dans les Pyrénées, Génération Identitaire avait mené une opération du même acabit dans les Hautes-Alpes en avril 2018. 3 militants ont été condamnés par le tribunal de Gap en première instance avant d'être relaxés en appel en décembre dernier. Eh oui, relaxés. Le mouvement d'extrême droite avait également perturbé une manifestation contre les violences policières le samedi 13 juin 2020 en déployant une banderole sur laquelle était inscrit « Justice pour les victimes du racisme anti-blanc, White Lives Matter, les vies blanches comptent » sur un balcon surplombant la place de la République à Paris. Oui, en contrebas se trouvaient Assa Traoré et... des hordes de nègres surexcités, on était alors en pleine fièvre post-non-affaire George Fentanyl Floyd. Alors, messieurs, bon, ça fait un moment... Alors déjà, on va quand même... Je voulais citer quand même les protagonistes, c'est-à-dire que ça fait maintenant un certain temps que les organisations juives réclament la dissolution de Génération Identitaire, parmi lesquelles le CRIF, la LICRA, l'UEJF, hein, de manière très bruyante, qui ont réclamé très régulièrement la dissolution de Génération Identitaire, tout spécialement après l'opération dans les Alpes en 2018, opération pour laquelle d'ailleurs les identitaires ont été blanchis, comme c'est spécifié dans cet article. Ils ont fait, ben, évidemment, sur la base du constat judiciaire de décembre dernier, les identitaires se sont dit, bon, bah, puisque on nous a donné raison, c'est-à-dire qu'il n'y avait rien d'illégal au fait, en tant que Français, de se situer à la frontière française pour voir si la frontière n'était pas violée, ce qui d'ailleurs est garanti par la loi. Hein. Chaque Français, chaque citoyen français est tenu de signaler toute violation, tout manquement à la loi. Hein. Ben ils se sont dit on va recommencer, mais cette fois-ci dans les Pyrénées. Donc ils ont été faire un tour de 4x4 dans les Pyrénées pour voir si, premièrement, il y avait bien une frontière, et si, deuxièmement, éventuellement, il y a des gens qui voulaient violer la frontière. Ça ne voulait pas dire qu'ils allaient interpeller physiquement des migrants clandestins, ça voulait dire qu'ils allaient observer la frontière pour voir s'il y avait des violations ou pas. Et c'est ce qui avait fait réagir l'immonde gnome Darmanin, qui lui aussi est d'origine juive, et qui a dit « Voilà, c'est scandaleux, il y a des Français en France qui ont constaté qu'il y avait des frontières et, ils voulaient se demander, et qui allaient voir sur place pour voir si ces frontières étaient effectivement protégées par les douanes. Voilà. » Et alors le ministre de l'Intérieur était scandalisé par le fait qu'on puisse s'interroger à ce sujet. Et il a donc demandé la dissolution. Eh bien, nous y voilà, hein, la procédure est lancée. Alors, j'ai des choses à dire, mais je vais déjà vous demander ce que vous pensez de tout ça. À ce stade. Petite précision, juste sur l'histoire en fait du rapport avec les Juifs, ça fait aussi écho à une guerre interne en fait que se livrent certains Juifs, on va dire, pour schématiser, hein, les Juifs de gauche et les Juifs de droite. À la fin, on se fait baiser pareil, hein, c'est le même délire. Mais t'as quand même certaines figures de droite, entre guillemets, juives, qui ont pris parti pour des identitaires. Et en première ligne, on peut nommer Golnadel, qui a annoncé d'ailleurs qu'il serait l'avocat de Génération Identitaire concernant cette affaire de dissolution. Oui, ça c'est un premier point, oui, on pourrait le souligner. Alors, je ne crois pas du tout à la théorie de l'existence de juifs de gauche et de juifs de droite. Non, il n'y a que des juifs dont la tactique varie. Donc, ils ont un désaccord tactique, ils n'ont pas de désaccord stratégique. D'accord ? Leur but stratégique est strictement le même, maintenir la suprématie juive en France. Là-dessus, il n'y a pas de divergence entre un Askolovitch et un Golnadel. Il n'y a pas du tout de divergence. En revanche, au plan tactique, quel est l'ennemi prioritaire? Oui, il y a des discussions, parfois assez tendues, entre les différentes factions de la juiverie organisée en France. C'est un fait, bien sûr. Mais qui cela peut-il tromper, puisque l'on sait que traditionnellement, les juifs sont de tous les côtés. C'est une vieille tradition hein, chez eux, et puis c'est une approche qu'ils ont du marché, c'est-à-dire que pour eux, il faut corneriser le marché. Voilà. Il faut occuper le marché dans son intégralité. Il ne faut pas se limiter à un camp, à une faction, à une tendance. Il faut être présent sur tout le marché. Et ils sont présents sur tout le marché, de l'extrême gauche à l'extrême droite. Mais ils sont tous aussi d'accord sur un fait, ils appartiennent au peuple élu. D'accord ? Et là, il n'y a aucune divergence. Bien. Alors Golnadel ne trompe personne, puisqu'il est, celui qui a fait jeter Hervé Rissène en prison. Ce qui ne l'a pas empêché d'ailleurs quelques jours plus tard, quand on lui a demandé des comptes dans la presse, c'est quand même étonnant, monsieur Golnadel, quand même, comment se fait-il ? Pourquoi vous faites jeter des gens en prison ? Vous êtes un apologète de la liberté d'expression. Et il a expliqué qu'il était pour la liberté d'Hervé Rissène. Après l'avoir fait jeter en prison, il a expliqué qu'il était pour le faire libérer. Bon, vous avez compris que vous avez affaire à des escrocs en puissance, au plan intellectuel. Et donc Golnadel va défendre Génération Identitaire, qui est dissoute à la demande expresse des organisations juives les plus éminentes, à commencer par le CRIF, qui sont, je veux dire, qui sont totalement liés, par exemple, à l'État d'Israël, d'accord ? Alors, n'allez pas me parler de désaccords existentiels, c'est faux. Alors là-dessus, j'en profite, c'est-à-dire que, bon, Génération Identitaire n'a pas trompé grand monde dans le fait qu'ils n'ont jamais osé poser la question des causes, préférant ne parler que des conséquences, à savoir l'immigration de masse. Bon, on nous disait que c'était l'alpha et l'oméga de toute stratégie sérieuse, et que il fallait bien, comment dirais-je, être flexible et ne pas ressasser des idées du passé. Ça, c'est ce qu'on nous dit à chaque fois, quoi. Bon, je trouve que les idées du passé sont d'une actualité extraordinairement, comment dirais-je, prégnante. Hein. Mais bon, on nous disait que c'était pas nécessaire parce que ça allait ouvrir toutes les portes. Bon, bah, le résultat est là, on le voit. Et même maintenant, alors qu'ils sont à quelques jours d'une dissolution prononcée donc par un ministre de l'Intérieur d'origine juive, eh ben ils ont encore recours à un avocat juif. Alors, je ne vais pas être méchant, parce que je ne veux pas non plus tirer sur une ambulance, surtout dans un moment pareil. Mais enfin bon, quand vous êtes attaqué par la meute juive de cette manière, au plan médiatique comme au plan politique, demander à un avocat juif de vous sauver la mise tout en disant que vous êtes hyper français, moi j'y crois pas du tout. Alors, c'est quand même révélateur que, je veux dire, acculé totalement aux dernières extrémités, ce soit encore un avocat, il fasse encore appel au service d'un avocat juif. Voilà, bon, il y a des causes qui sont perdues, irrémédiablement perdues, il y a des gens qui ne voudront jamais rien apprendre, et ils n'apprennent donc rien. Bon, soit, très bien. Maintenant, est-ce qu'ils seront dissous cette fois-ci? Je ne sais pas, c'était le deuxième point de mon argumentation, après je vous donne la parole bien sûr, mais tous ces gens, parce que j'ai vu que le RN a réagi en disant « oui, c'est scandaleux, la démocratie, etc. » J'ai vu toute une série de parlementaires comme ça, hein, qui ont réagi, etc. Mais, et pas que, hein, même dans le mouvement en général, enfin, à droite, oui, quand même, etc. Mais attendez, mais tous ces gens étaient absents lors de la dissolution de l'œuvre française ? Il faut revenir quand même à l'origine de ce mouvement général de suppression des libertés, notamment de la liberté d'association. Tout a démarré, je l'ai dit à plusieurs reprises dans l'émission, tout a démarré avec la dissolution de l'œuvre française par Manuel Valls, une nouvelle fois, pour servir les intérêts juifs. Et Manuel Valls a été très clair là-dessus, il n'a jamais fait de mystère sur la question, il a toujours revendiqué la politique qu'il menait en tant que ministre de l'Intérieur au titre du service des intérêts juifs en France. Il n'a jamais fait de mystère là-dessus. Quand il a dissous l'œuvre française, il a été explicite. Il a dit « je la dissous parce que c'est une organisation qui est antisémite ». Et quel a été le motif ? Le motif a été l'affaire Méric. Mais l'œuvre française n'avait rien à voir avec l'affaire Méric. Ni de près, ni de loin. Il n'y avait aucun militant de l'œuvre française qui était présent sur les lieux. Il n'y avait aucun militant de l'œuvre française qui était en lien avec les protagonistes de cette affaire. D'accord ? C'était un délit purement politique. Et elle a été dissoute quand même. C'était à ce moment-là qu'il fallait s'insurger. Quand on a vu le lobby juif organisé par le truchement de leur laquais servile Valls, l'offensive la plus cette offensive inédite contre la liberté d'association. On n'a pas entendu Golnadel d'ailleurs à ce moment-là. Mais on n'a pas, mais bien sûr, mais on n'a pas entendu Marine Le Pen, on n'a pas entendu le Rassemblement National, on n'a pas entendu tous les grands commentateurs de droite qui se disent aujourd'hui offusqués parce qu'on voudrait dissoudre Génération Identitaire. Mais la matrice est là. Alors, comme à l'époque, ils ont tous fermer leur gueule pour complaire à leurs petits amis juifs. Eh ben, la mécanique a continué. La mécanique a continué. Donc, ces philosémites qui se croient plus tacticiens que les autres sont en fait les derniers des crétins, et ils sont emmenés dans le panneau, et ils se sont fait rouler, et à la fin, ils se font bouffer comme les autres. Voilà. Et d'ailleurs, on peut dire que DP subit une censure assez agressive, hein. Je pense que nos auditeurs sont au courant. Je n'ai pas le souvenir d'avoir entendu une seule fois un porte-parole identitaire faire une déclaration qui aurait pu être quelque chose du genre « Bon, je suis en désaccord complet avec la ligne idéologique de démocratie participative, mais ils devraient quand même avoir le droit de s'exprimer. Un truc comme ça, au minimum, n'a jamais été dit de manière publique. Voilà. Non, parce que ces gens servent les Juifs. Ouais. Ces gens servent les Juifs, et ça ne les sauvera pas. Ça ne les sauvera pas, et d'ailleurs, dans le cas d'espèce, ça ne sauve pas Génération Identitaire. Alors donc, on nous a cité pendant des années Finkielkraut comme caution morale, même pratiquement comme phare de la pensée en France. Il est même académicien, ce qui est grotesque au regard de l'œuvre dérisoire de ce clown. Enfin, c'est grotesque, c'est grotesque. Bon, bah voilà, on a cité ça. Ensuite, Zemmour. Bon, Zemmour était quand même un peu plus crédible, je l'accorde, etc. Mais je dis, le marché est toujours cornerisé. Zemmour n'a jamais été très loin sur les causes des maux qui affectent la France, bien évidemment. Bien évidemment. Alors. Puis il est pour l'intégration, Zemmour, hein, comme tous les autres, en fait. Oui, hein. Déjà, mais ensuite, il est très versatile, je veux dire, sur l'islam en France. Alors, l'islam, il a beaucoup de choses à dire. Moi aussi, j'ai beaucoup de choses à dire, d'ailleurs. Il y a beaucoup d'autres Français qui auraient des choses à dire, mais vous avez remarqué que tous les Français n'ont pas nécessairement le droit de s'exprimer sur l'islam. Hein. Il n'y a que certaines personnes qui ont le droit de s'exprimer sur l'islam quand il faut s'exprimer. Voilà. Mais quand on voudrait remonter un petit peu aux causes, parce qu'il y a quand même des responsabilités là-dessus, qui remontent toujours un petit peu au même endroit. Hein. Je veux bien évidemment parler des Juifs. Silence radio. Ça me fait penser quand tout le monde crachait sur Assa Traoré et tout un coup l'info est tombée selon laquelle elle était financée. C'est pas une théorie du complot. Pas financée, non, elle était salariée. Salariée, pardon, par l'Institut Rothschild. C'est une vraie info, c'est pas un truc d'extrême droite conspi Google. Hein. Silence radio. Silence radio. Ah oui, non, mais même, alors ce même jour, vous savez, où les identitaires sont montés sur le toit, ils ont fait des actions qui étaient très bien, je veux dire, après, la base militante, etc., moi, je veux dire, je dénigre pas la base militante, les jeunes militants qui sont sur le terrain, c'est pas ça que je dis, moi, je parle de la direction politique et de l'orientation politique, d'accord? Et donc, ils ont fait des actions qui étaient très très bien. Et d'ailleurs, on l'a dit dans l'émission à plusieurs reprises, donc, a toujours été clair là-dessus. Mais le jour où ils ont été sur le toit, où ils ont brandi cette banderole, qui était bien sentie aussi d'ailleurs, en bas, en contrebas, il y avait Assa Traoré. Et dans la foule, il y a des gens qui ont... il y a eu des slogans contre les Juifs. Je sais plus exactement quel était le fond du truc, mais en gros, voilà... Il y avait parmi des musulmans présents ou des Noirs, il y a eu des slogans contre les Juifs. Ça se répand de plus en plus, comme vous le savez. Et Assa Traoré, au micro, a dénoncé l'antisémitisme. Donc Assa Traoré est une créature des Juifs. Quand je dis qu'il cornerise le marché, il le cornerise totalement. Vous avez Assa Traoré, salarié de Rothschild d'un côté, vous avez les générations identitaires défendues par Golnadel de l'autre. C'est quand même curieux, au cœur du dispositif, nous retrouvons toujours les mêmes personnes. Voilà, ils sont toujours là, on retombe toujours sur les mêmes. Alors, on peut faire la lecture superficielle, hein, on peut rester au niveau saucisson-pinard, voilà, moi j'aime les beurrettes, mais à condition qu'elles portent pas le voile. Bon, voilà, bon, vous allez pas aller très loin comme ça, parce que sinon, ça c'est du niveau de Zorabitant, hein, d'accord. Bon, Zorabitant va passer ses vacances en Israël, ok. Bon, oui, on peut rester à ce niveau-là de lecture. Vous allez parler très loin si vous voulez comprendre ce qui se passe en France. Si vous creusez un peu et que vous commencez à dire les choses comme elles sont, ah tiens, c'est bizarre, casse-prison. C'est F. Rissen. Voilà. Ou exil. C'est F. Alain Soral. Ça ne veut pas dire qu'Alain Soral a nécessairement raison sur tout. Je veux dire, on peut être en désaccord sur des orientations que propose Soral, mais je veux dire, enfin, Soral a quand même posé un certain nombre de constats qui sont des constats objectifs, je veux dire, qui ne peuvent pas être contestés, quoi. Ah, tiens, c'est curieux, tout d'un coup, convocation, perquisition à répétition, saisie, voilà, ça n'arrête plus, quoi. Voilà, bon. Mais on arrive à un moment où le système est tellement acculé, le système juif, bien sûr, hein, et d'ailleurs, ça participe de cette reprise en main autoritaire qu'on a souvent décrit dans l'émission ces derniers mois, qu'il n'est même plus question, si vous voulez, de tolérer que des associations qui édulcorent le discours, ou même qui sont même philosémites, parce que la direction de Génération Identitaire est philosémite, hein, je veux dire, Damien Rieu est philosémite. Il est pro-israélien, il est philosémite, je veux dire, il n'y a pas de problème, quoi. Hein. C'est trop. Parce que, objectivement, en défendant encore... j'allais dire, le droit des autochtones à ne pas se faire totalement submerger par l'Afrique, vous êtes antisémite par défaut, vous comprenez? C'est ça que nous disent les Juifs. Et avec cette dissolution, c'est ça que nous disent les Juifs. Vous pouvez dire, mais non, mais moi j'adore Finkielkraut, j'ai rien contre les Juifs, j'adore Israël, j'admire Israël. Et les Juifs se disent, j'en ai rien à foutre, on a un autre programme, d'accord, si tu es contre, tu es antisémite. C'est d'ailleurs, ça, lorsque Thaïs avait été invitée chez Hanouna, elle avait été directe qualifiée de suprémaciste blanc, nazi, tout ce que vous voulez, quoi. Comment s'appelait cette jeune fille Thaïs Descuffons. Thaïs Descuffons, oui, elle avait reçu un traitement de choc par le gros youpin Hanouna. Encore une fois, hein, je veux dire, ils sont tout le temps positionnés à tous les points stratégiques. Voilà, elle a eu un traitement de choc, elle s'est fait suprémaciste blanche, etc. D'ailleurs, ça c'était. D'ailleurs, rappelez-vous, Hanouna a appelé la dissolution dans cette émission. Hein. Rappelez-vous-en. Hein. Le public avait voté contre, d'ailleurs. Mais Hanouna a essayé d'influencer la décision du public en disant il faut la dissoudre. La décision a déjà été discutée au sein du Sanhédrin. D'accord ? Ça a déjà été discuté, la décision est prise. Maintenant. Je ne suis pas devin, vous non plus. Donc, est-ce que les magistrats vont dire oui, peut-être pas maintenant, pas tout de suite, pas comme ça, etc. Bon, moi je dis qu'à partir du moment où il y a le précédent œuvre française, toutes les autres organisations peuvent être dissoutes sur tous les prétextes qui seront jugés pertinents par les juifs. Voilà. Ce que je veux dire, c'est ça, sur la procédure en question. Ce n'est pas une décision, ce n'est pas une matière de droit. Ce n'est pas une question légale, ce n'est pas une question juridique. C'est une question politique. Donc ceux qui vont se perdre en conjecture sur les justifications légales pour dissoudre Génération Identitaire loupent le coche. C'est une décision politique. Et cette décision politique est prise par le pouvoir juif en France. Ce n'est pas un secret, je l'ai dit, les grandes organisations juives ont exigé et maintenant obtenu la procédure de dissolution. Donc c'est une question politique. Donc on peut ensuite se perdre en discussion, est-ce que c'est légal, pas légal, abusif, pas abusif, etc. Bon. Après la dissolution de l'œuvre française, la liberté d'association en France a été définitivement supprimée. D'accord ? Maintenant, ça ne veut pas dire que toutes les associations sont supprimées. Ça veut dire que le gouvernement français n'a plus besoin de justifier la dissolution d'organisations. C'est ce que j'avais dit aussi avec Bastion Social. C'est pour ça que ne perdez pas votre temps à rentrer dans des organisations de ce type. Ne perdez pas votre temps là-dedans. Elles ne sont plus viables. Il n'est plus possible. Les Français n'ont plus de liberté dans leur propre pays. Les Juifs les ont suspendus. C'est pour ça que nous sommes dans une dictature juive. Maintenant, elle s'édifie sous nos yeux. Voilà. Donc, j'insiste. Je parle assez fort là-dessus, mais j'ai un peu l'impression de me répéter aussi, pour dire le moins. Mais quand je vois la naïveté des gens, surtout des plus jeunes sur ces questions, j'espère, quelque part, une des retombées positives, une des retombées vertueuses d'une dissolution de Génération Identitaire, c'est que les naïfs redescendront sur Terre. Là, pour le coup, on ne pourra plus venir nous souligner avec la dédiabolisation, le philosémitisme, en finir avec les vieilles lunes, etc. Voilà. Là, ils se verront signifier qui décide et quelles sont les règles, quoi, et qui les fixe. Je vous donne la parole maintenant, j'ai été quand même très bavard. Si vous voulez soit commenter ce que j'ai dit, soit faire préciser un point, peut-être que je n'ai pas soulevé. Oui, une petite chose simplement, c'est que donc, si j'ai bien compris, Gilles William Goldnadel sera l'avocat de Génération Identitaire. Et il faut savoir que Gilles William Goldnadel est aussi à la tête donc, d'Avocats sans frontières. Alors c'était vraiment l'ironie de l'histoire. Quand on regarde que cette structure identitaire a été suspendue suite à la volonté de faire respecter le contrôle aux frontières. Donc là, c'est véritablement donc Avocats sans frontières, de même que Bernard Kouchner, le médecin, avait créé Médecins sans frontières. Bon, on va pas revenir sur toutes les magouilles de ce type-là, mais qui est de la même communauté. Hein. Donc voilà, c'est un facteur évidemment important. Très très bien observé. Oui, il y a beaucoup d'ironie dans tout ça. C'est vrai que c'est très juste, c'est très bien observé. Il y a des mots qui reviennent sans frontières. Ça revient souvent avec les juifs, c'est très bizarre. Et d'ailleurs, Golnadel a annoncé qu'il allait mobiliser justement son assos, l'Avocat sans frontières, pour traquer des pays en soutien à Stéphane Manigold. Et ouais, Golnadel, Manigold, c'est vrai que... Il y a des mots qui reviennent comme ça avec les juifs. Oui, l'or, oui, l'or. Oui. Ouais, je voulais préciser une chose sur l'intervention de Gandalf. C'est pas une analyse politique qu'il a faite quand il a annoncé que clairement Clément Méric était la cause de la dissolution. C'était Manuel Valls lui-même. C'est pas une interprétation qui a commencé son intervention comme ça. Suite, blablabla, Clément Méric, j'annonce la dissolution de Troisième Voie. Je crois qu'il avait commencé par ça. Donc Esteban, donc qui était dans l'affaire, il était innocent bien sûr, mais bon, était membre de Troisième Voie, donc on peut comprendre la logique. Et par la suite, c'était dans la même déclaration, on dissout l'œuvre française de Yvan Benedetti et les jeunesses nationalistes d'Alexandre Gabriel, qui n'avaient rien à voir dans l'histoire. Donc en fait, ils s'embarrassent pas avec des histoires de droit, d'excuses, ils s'en foutent. Ils vont appliquer ce qui les arrange le mieux. Encore une fois, je sais pas ce qui va se passer pour eux. J'ai l'impression que ça se sent pas très bon pour Génération Identitaire, parce que ça fait quand même un petit moment qu'ils tournent autour. Bon, après, on peut pas deviner l'avenir, quoi. Mais bon, comment dire, ils ont essayé de juifier les juifs, hein, les identitaires. Quand je dis les identitaires, je parle bien sûr du bureau politique identitaire, parce que moi, je connais quand même quelques militants identitaires de base qui ont un avis très arrêté sur la juiverie et qui sont en désaccord quand même avec la direction. Damien Rieu, il en fait des tonnes, hein. Il en fait des tonnes. Mais il a quitté le mouvement officiellement. Ouais, ouais, ouais. Il fait partie de ces gens qui veulent absolument faire de l'entrisme, d'accord. Donc il a sa petite place au Rassemblement National maintenant, d'accord. Comme Vardon. Donc, mais on en reviendra peut-être pour la suite de l'émission. Hein. Le Rassemblement National s'est fait doubler sur sa droite par Darmanin et par. Oui, on va en parler, oui. Par La République en Marche, donc bon. Je ne sais pas à quoi tout ça va mener. Non, mais voilà, tout ça pour dire... moi, je veux bien entendre des gens qui veulent être malins, qui veulent faire de la bonne communication. Moi, je trouve ça très bien, d'ailleurs. Effectivement, sur le terrain purement de la communication, je pense que les identitaires font du très bon boulot. On l'a souvent dit dans l'émission, il faut le répéter, c'est vraiment un exemple. Maintenant, sur l'histoire de cette doctrine et des gens qui veulent absolument éviter les sujets qui fâchent, eh ben, en fait, on voit la limite de cette communication à tout prix. Et à la fin, on essaie de juifier les juifs et puis maintenant, bah ça marche pas, quoi. Ça ne marche pas. Il y a une continuité aussi avec la loi Gdesso, excuse-moi, Mickaël, mais puisque alors le révisionnisme ne s'est pas organisé en structure politique, à l'inverse de l'œuvre française, etc. Mais l'œuvre française, les fondamentaux, c'était justement critique du judaïsme, qu'ils appellent le judaïsme politique, avec des gens comme Maurras, comme Forisson aussi, qui ont travaillé donc sur la prétendue Shoah pour contester le chiffre et la méthode de génocide. Donc je vois aussi une continuité entre la loi Gesso et puis Fabius Gesso justement, et puis ce qui se passe actuellement, dissolution de l'œuvre française, dissolution d'autres mouvements. Oui, du coup, j'allais dire quelque chose là-dedans. C'est-à-dire que, de toute façon, et ça, Renoir l'a très bien expliqué dans sa vidéo sur Génération Identitaire, c'est que, du point de vue de l'immigration, le sort de l'Europe et des pays européens a été scellé à Nuremberg. C'est-à-dire que, factuellement, c'est pas antisémite de s'opposer à l'immigration de masse. Mais ils arrivent toujours à te dire que c'est antisémite. Pourquoi? Parce qu'ils laissent, les juifs laissent dans l'idée derrière, on sait où ça nous a mené, si vous voulez. Donc, on en revient toujours à la même chose, c'est toujours la même rhétorique. Si on est contre l'immigration, ça nous mène aux chambres à gaz. Ce qui prouve que la question juive et la question du révisionnisme est toujours d'actualité, même maintenant. Oui, c'est la matrice de l'antiracisme. Hein. L'antiracisme, c'est-à-dire que l'impératif cosmopolite, l'impératif sans frontiériste, l'impératif de l'immigration sans limite, est strictement conditionné par de l'aveu même des protagonistes, des décideurs, hein, des grandes organisations, est conditionné par Nuremberg et ses conclusions. On nous dit « Ah, oh, mais il ne faut pas parler du passé. » Mais le problème, c'est que ce n'est pas à nous qu'il faut dire ça, c'est aux Juifs. Moi, j'ai toujours fasciné par ça. « Ah oui, non, mais il ne faut pas parler de tout ça, etc. » Mais c'est les Juifs qui nous parlent de ça. Vous allumez Arte, je suis désolé, toutes les semaines, ils ne parlent que de ça. Toutes les semaines, ils ne parlent que de ça. Je veux dire, ils ne connaissent qu'une année, c'est 1945, quoi. Donc, voilà, donc c'est un fait, c'est un fait. Et dans cette, donc Renoir a fait encore une excellente vidéo récemment sur la Shoah, religion d'État, des démocraties, ce qui est absolument juste. Et ça a des conséquences, quoi. Donc même quand vous n'êtes pas, quand vous ne parlez même pas de la question juive, quand vous ne parlez même pas des responsabilités objectives et constatables des Juifs dans la marche politique des affaires dans le monde occidental, notamment sur la question de l'immigration de masse, mais que vous dites simplement, voilà, moi je refuse l'immigration de masse, vous êtes accusé par les médias juifs, par les organisations juives, d'être antisémite par défaut, puisque vous vous opposez à leur dogme sans frontieriste. Donc, c'est pas vous qui décidez. C'est pas vous qui décidez. Si vous défendez les intérêts des populations blanches, en Occident, dans le monde blanc, en Europe, les intérêts sémitiques vont vous désigner comme ennemi. Vous voyez ? On en revient à Carl Schmitt. D'accord ? Les juifs vous désignent comme ennemis, d'accord ? Peut-être que vous n'avez pas envie de les désigner comme ennemis, c'est pas grave, ils vous désignent comme ennemis, et ils vont vous traiter comme des ennemis. La preuve, preuve en est, voilà. Et je crois que c'est un formidable démenti qui est offert ici à tous ceux qui ont essayé de nous tanner avec, je sais pas quoi, une approche tactique subtile à l'égard du... Mais c'est parfois des gens convaincus même, convaincus de leur philo-sémitisme. Bon, bah ça tombe à plat, ça tombe à plat. Les juifs n'en ont rien à foutre. Les Juifs veulent faire disparaître la race blanche en Europe, point, c'est tout. C'est tout, c'est le but fondamental, historique de la démocratie juive. C'est son but. Voilà, donc c'est très clair, c'est très clair. Il y a une continuité historique, que les gens le sachent. Quelqu'un d'autre sur tout ça ? Est-ce qu'il y aurait une précision à faire ? Ouais, la dédiabolisation, c'est de la merde en fait. Hein. Ouais, je rappelle que la génération identitaire, au départ, c'était plutôt le bloc identitaire, c'est comme ça qu'il s'appelait. Après, ils ont fait scission. Eux-mêmes, ça vient, on va dire, grosso modo, hein, d'Unité radicale, d'accord, qui avait une relation avec la juiverie bien plus tumultueuse, on va dire ça comme ça. Oui. Et de compromission en compromission, à la fin, on arrive à être représenté par un avocat juif. C'est la même logique en fait, si vous voulez, avec le Rassemblement National, quoi. Voilà. C'est-à-dire qu'ils vont se faire enterrer par les Juifs au terme d'une dissolution, et comment dirais-je, et le baiser de la mort leur est offert par un Juif. Je veux dire, c'est assez extraordinaire. Mais je voulais souligner un autre point. C'est la perversion des Juifs dans tout ça, puisque Darmanin, le gouvernement, le CRIF, essaye de créer une équivalence entre le refus de la submersion migratoire non blanche en Europe et en France et le radicalisme musulman, le djihadisme. Donc, vous n'avez qu'à regarder comment ils procèdent. Ils disent « Ah ben, on a dissous Baraka City », d'ailleurs, qui était à l'origine aucune action violente. Ils ont essayé de les assimiler à l'affaire de Samuel Paty. Rien à voir avec ça. Bon, peu importe. Encore une fois, les gens ne s'intéressent même pas au fait. Ils disent « Ah ouais, on a dissous une association musulmane, c'est très très bien. » Moi, je ne suis pas l'avocat des associations musulmanes, loin s'en faut. Mais il faut quand même creuser un petit peu quand même les mécaniques politiques qui se trouvent derrière ça. Parce que très vite, vous comprenez que ça ne se limite pas aux musulmans. On vient vers vous ensuite. Donc, on a dissous Baraka City. Pourquoi ? Baraka City, en fait, avait un positionnement qui était israélo-critique. Autant vous dire que ça ne plaisait pas. Au sein du Kaal. Bon. Donc, le couperet est tombé, on a dissous Baraka City. Bien. Et ensuite, pour créer une équivalence, pour dire, à la fois pour dire aux halogènes, dire, mais rassurez-vous, c'est pas contre vous, musulmans, c'est juste contre les extrémistes. Vous voyez, c'est ce discours-là. Et ensuite, Macron qui démarche à fond la droite en ce moment, en disant, voilà, je souque hein, les radicaux, hein, vous avez vu, là, je suis un dur, regardez ma loi antiséparatiste, etc. Hop! on dissout une organisation dite d'extrême droite qui fait simplement du 4x4 aux frontières pour voir s'il n'y a pas d'infiltration de la part de clandestins. Alors, pendant ce temps-là, Cédric Herrous porte très bien, merci pour lui. Hein. Je veux dire, SOS Méditerranée, tout ça, tous ceux qui importent des métèques dans tous les sens en France, avec le risque terroriste que ça suppose, ont toute liberté d'opérer, hein. Macron les laisse faire. Hein. Hop, on dissout. Ça, c'est la dialectique des Juifs. Les Juifs veulent dire, le message subliminal envoyé dans les masses par les médias juifs, c'est ça, c'est qu'en fait, quand tu es blanc dans ton pays, quand tu es un Français de souche dans ton pays et que tu ne veux pas vivre en Afrique, tu es un djihadiste blanc. C'est la même chose. Et on doit traiter un petit blanc qui refuse d'être submergé dans son pays exactement comme un djihadiste qui est un envahisseur objectif. Et qui n'envahit pas par, l'opération du Saint-Esprit, c'est moins qu'on puisse dire, mais parce qu'il est invité en premier lieu par la politique migratoire décidée par les Juifs depuis 40 ans. Je ne vais pas revenir sur la genèse des SOS Racine, de Bernard-Henri Lévy et compagnie, Jacques Attali, etc. Donc, vous voyez ce théâtre d'ombre ? D'accord ? Donc, voilà, Baraka City, dissous. Génération identitaire, dissous. Probablement, peut-être pas, je ne sais pas. On verra bien la décision de justice. Mais voilà, et vous dites, ah bah vous avez vu, hein, vous avez vu, Madame Dupont, hein, hein. Ah oui, ouais, y a des mauvais musulmans, hein, mais on les surveille, Madame Dupont, etc. Mais n'oubliez pas, hein, y a aussi des mauvais Français, hein. Il y a des mauvais Français, hein. Y a des Français qui n'ont pas envie de vivre au milieu des musulmans, hein, Madame Dupont. Alors attention, hein, c'est un monde compliqué, c'est un monde complexe. Il faut veiller au grain, voilà. C'est un écran de fumée. Et il faut dénoncer cette fausse équivalence qui est l'objectif, hein, de cette dissolution. Et ça me semble très important à souligner. Remarque en passant, c'est aussi au nom de cette politique prétendument antiséparatisme qui vise prétendument les musulmans qu'on souhaite interdire aussi l'école à la maison ainsi que les écoles hors contrat. Alors que les écoles hors contrat et l'école à la maison ne se fait pas essentiellement par des musulmans, c'est beaucoup des blancs, quoi, des Français de souche, catholiques pour un certain nombre, qui organisent ces structures-là, qui seront visées par ça. Oui, parce qu'ils ne partagent pas les méthodes pédagogiques promues dont on a parlé pour l'affaire Molière. Hein, je veux dire, voilà, ils veulent simplement que leurs enfants puissent apprendre des trucs. Pour l'école à la maison, c'est un peu mitigé, je pense qu'il y a un peu de tout. Par contre, pour les écoles privées hors contrat, alors là, faites des stats. C'est 99% des écoles privées hors contrat catholique, à l'ancienne, quoi. Traditionnelle, voilà. Forcément, ça plaît pas trop. Hein. De toute façon, la gueuse ne perd jamais une occasion de régler des comptes. D'accord ? Donc, on vous dit les musulmans, vous regardez le détail de la loi, et comme vous l'avez dit, là, c'est à 99% des blancs catholiques. Donc, il faut jamais se laisser abuser par la dialectique de cette république juive. Et maçonnique, on ne souligne pas trop. Enfin, jamais assez, je veux dire. Mais c'est ça, quoi. Je veux dire, c'est toujours la même haine. On retrouve toujours la même haine. Je veux dire. C'est une haine dont on peut retrouver la trace, si vous voulez, la généalogie. Et voilà, donc... c'est ça qui est génial. C'est une forme de... Il joue au karaté, hein. Tu vois, le public de droite, dans son immense connerie, croit que Macron fait vraiment un truc de droite, et en fait, il va vaporiser, grosso modo, tout l'enseignement libre catholique, en fait. Voilà. Et les mecs ont l'impression qu'on lutte contre les musulmans comme ça. Ben non, mais attendez, je veux dire... Faut que les gens creusent des sujets un petit peu. Qu'ils arrêtent de lire Le Figaro, par exemple, ça pourrait les aider aussi, de la publication de blogs d'assaut, et qu'ils s'intéressent un petit peu à ce qui se passe factuellement. Donc c'est pour ça, alors j'insiste quand même lourdement, il y a aussi une critique que je formulerai notamment sur le cas de génération identitaire, qui essaye de tout expliquer par l'islamisme. Alors si vous essayez de tout expliquer de ce qui se passe en France politiquement par l'islamisme, vous ne pouvez rien comprendre, rien, absolument rien, rien. Vous ne pouvez pas comprendre comment fonctionne le gouvernement, vous ne pouvez pas comprendre comment fonctionnent les médias, vous ne pouvez pas comprendre les agendas stratégiques. Vous ne pouvez rien comprendre, quoi. Je veux dire, si vous avez un type d'analyse comme ça, ça se termine au niveau de la longueur du hijab. Ce qui est quand même assez limité, hein, comme analyse. Hein. Et ça, c'est malheureusement ce qu'a beaucoup encouragé Génération Identitaire. Justement avec le fait de ne pas vouloir creuser les sujets et de se limiter à des critiques de détail sur l'islamisme, etc. Voilà, c'est... Bon, au bout d'un moment, tu peux même plus les distinguer de l'éditorial que tu retrouves dans, dans Marianne, je veux dire, enfin, tu n'arrives plus à distinguer, quoi, de la gauche laïcarde et juive, quoi, de Pologne, quoi. Donc, quelle est la valeur ajoutée dans ces circonstances? Moi, je la trouve pas. Il y a eu des actions qui ont été bien en termes de communication, mais quand même, tout expliqué par l'islamisme, non, non. C'est erroné. Il y a des gens qui évoluent, pardon, il y a Riposte Laïque, là, avec Christine Tazin, Pierre Cassan. Au départ, j'aimais pas trop ce qu'ils faisaient. Enfin, c'était très centré précisément sur l'islamisme. Mais quand on regarde leur site internet ou leurs interventions, ils ont choisi d'aborder d'autres sujets, je trouve assez pertinents, sur la dictature sanitaire et tout, pour dire que c'est pas parce que des gens ont été dans un premier temps centrés sur cette question quand même importante, d'accord, de l'islam et de l'immigration, qu'il faut s'interdire de creuser les sujets, comme tu l'as dit, ou de parler d'autre chose. On a tous le droit à notre évolution. Oui, tout à fait. D'ailleurs, curieusement, Riposte Laïque, qui est non seulement donc anti-musulman, mais qui n'apprécie pas non plus tellement le christianisme, donc qui est très, comme son nom l'indique, quand même à cheval sur une laïcité, c'est une distinction entre les convictions religieuses et puis la vie publique, donc distinction, à mon avis, un peu contestable entre la sphère privée et la sphère publique, mais qui reste quand même importante là-dessus, mais qui défend, par exemple, parfois le patrimoine français ou un peu nos traditions. Mais le problème, c'est que précisément ces traditions sont souvent, on va dire, imprégnées de christianisme. Mais je ne suis pas là pour les attaquer, je souhaitais plutôt leur rendre un relatif hommage. Alors, on fait une pause musicale et on se retrouve tout de suite après pour la deuxième partie de Démocratie participative. Nous revoici pour la deuxième partie de Démocratie participative, saison numéro 6, épisode numéro 7. Alors, on a parlé de l'offensive frontale contre la liberté d'association, qui est suspendue, hein, voilà, en France. Je ne parle même pas de la liberté de circuler. Vous savez tous à quoi vous en tenir là-dessus. Il y a enfin la liberté d'expression. Alors là, on fait face à une nouvelle offensive après l'échec du passage de la loi Avia, qui avait été invalidée en fait par le Conseil constitutionnel. Qu'à cela ne tienne, elle est de retour partiellement et à l'initiative, j'insiste, du CRIF et de la LICRA, les organisations juives. Je vais surtout souligner un point. Alors, l'article résume bien les choses. Hein. Donc, c'est un article du Numérama. L'Assemblée nationale a voté un article important du projet de loi sur les principes républicains qui prévoit de juger en comparution immédiate les auteurs de propos haineux sur Internet. Juger sans délai les personnes accusées d'avoir tenu sur Internet des propos haineux, tel est l'objectif du gouvernement avec l'article 20 du projet de loi confortant le respect des principes de la République qui est débattu depuis le 1er février dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Et ce jeudi 11 février, cette disposition vient d'être approuvée par les députés par 115 voix contre 10. À souligner que cette loi scélérate, cet article de loi scélérate, a été voté notamment par Emmanuel Ménard, la femme de Robert Ménard, l'ancien patron de Reporters sans frontières, qui pendant des années a incarné le rôle du défenseur de la liberté d'expression et qui maintenant incarne le rôle de principal défenseur de la cause juive en France. Il y a des continuités. Devant les parlementaires, Éric Dupond-Moretti a défendu cette démarche. Je le cite, « On met en place des mécanismes de procédure pénale pour que les haineux en ligne puissent être sanctionnés très rapidement », a expliqué le ministre de la Justice. Il estime que de cette façon, la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est préservée, écartant ainsi toute perspective de retouche. J'y reviendrai dans un instant. C'était ce que suggérait en novembre dernier la députée Laetitia Avia, hein, qui est africaine, hein, comme son nom ne l'indique pas nécessairement pour les plus naïfs, en expliquant vouloir vraiment alléger la procédure. Bel euphémisme. Pour que des amendes, des travaux d'intérêt généraux, de la comparution immédiate puissent être déclenchées plus rapidement et plus facilement, en saisissant plus rapidement le parquet pour que les enquêtes aboutissent et que, in fine, les sanctions effectives contre les pourvoyeurs de haine. La parlementaire, devenue entre-temps rapporteuse du projet de loi pour la commission spéciale Principes de la République, laissait entendre que les contours de la loi du 29 juillet 1880 sur la liberté de la presse pourraient alors évoluer. Finalement, il n'en sera rien dans la mesure où l'article 20 du texte confortant le respect des principes de la République vise le code de procédure pénale. Oui, donc en fait, c'est un artifice légal, vous avez bien compris. Souvent, on a affaire à des jeunes qui, en toute impunité, diffusent de la haine. Est-il normal qu'ils soient jugés comme le seraient les journalistes 18 mois plus tard? S'est demandé le garde des Sceaux devant les élus en faisant observer que cela entraînait aussi des enjeux de crédibilité de la justice et de sens en rapprochant le moment où tombe la sanction avec celui de la survenue de l'infraction. Alors, je veux commencer en soulignant la perfidie de Moretti avec son exercice absolument scandaleux. Il a multiplié les sophismes pour justifier cette attaque frontale contre la liberté d'expression. Il a essayé de créer une distinction entre la loi de juillet 1881 sur la liberté de la presse et la liberté d'expression des citoyens français. C'est une distinction qui n'a jamais existé. Il n'y a pas d'un côté la liberté d'expression des journalistes, qui serait une espèce de caste sanctionnée par la loi, et de l'autre, les Français. Ça n'a aucune réalité juridique. Ce garde des Sceaux est un criminel. C'est un criminel. C'est quelqu'un qui a déclaré la guerre aux libertés fondamentales des Français. D'accord ? Et il l'a fait dans l'hémicycle. Il n'y a jamais eu une telle distinction. Quand vous lisez la loi de 1881, en dépit de toute le, comment dire, des nombreuses attaques qu'elle a déjà subies, des réécritures absolument scandaleuses, au point de ne même plus être lisible, qu'elle a subi ces années passées, et ça a commencé avec la loi Pleven, le verre était dans le fruit. La loi Pleven, ensuite la loi Guesso, qu'on connaît, Fabius Guesso, je ne vais pas toutes les énoncer, il y en a d'autres, à chaque fois sous impulsion du lobby juif, à chaque fois l'objectif était de limiter l'expression des citoyens. Mais là, c'est une innovation. Une innovation scandaleuse, parce que Moretti prétend qu'il y a la liberté d'expression des journalistes d'un côté et la liberté d'expression des Français de l'autre, ou plutôt la non liberté d'expression des Français de l'autre. Et alors, après avoir créé comme ça artificiellement une différence de traitement, il dit bah voilà, les Français, il faut pouvoir comme ça les traîner très rapidement en 24 heures devant un magistrat. Voilà. Et il faut pouvoir les foutre en taule tout de suite parce qu'ils ont dit quelque chose sur Internet. Ah, par contre, messieurs les journalistes, bien évidemment. Alors là, on sent, si vous voulez, on sent le traitement de faveur à l'égard des salariés de la boîte. Parce qu'évidemment, tous les journalistes avec une carte de presse, et j'ai souvent rappelé ici dans l'émission l'origine de la carte de presse, qui est en fait une carte de presse voulue par les épurateurs de 1944-45 pour créer une presse du régime et pour éliminer toute voie contestataire en France, eh bien ces gens qui tiennent une carte de presse, ils sont 37 000 en France, vont avoir une protection spéciale, voilà, et c'est bien normal du point de vue de Moretti, puisque ce sont les salariés du gouvernement français, ils sont tous subventionnés, et ils ont même des abattements fiscaux. Bien. Donc ça, ces gens-là, qui sont payés par le gouvernement pour mentir, pour désinformer la population, qu'ils ne s'inquiètent pas trop, ils pourront toujours être protégés par la loi de 1881. Par contre, 67 millions de citoyens français en 2021 pourront être poursuivis. C'est ça qui se trouve aujourd'hui voté dans l'hémicycle. D'accord ? La création vraiment ex nihilo, hein, d'une caste qui va avoir une protection spéciale, la caste des journalistes, pendant que le peuple va pouvoir être persécuté à outrance sur dénonciation des organisations juives. Parce que, et ça c'est la deuxième chose que je veux dire avant de vous donner la parole, c'est que quand vous êtes comme ça, poursuivi par les parquets, les procureurs, c'est toujours sur dénonciation. Mais toutes les plaintes ne se valent pas, bien évidemment. Il ne suffit pas de se plaindre pour que les magistrats décident de s'occuper de votre cas. Il y a donc une hiérarchie dans les plaintes. Et on sait très bien qui c'est qui mène le bal dans ce domaine-là. C'est toutes les organisations juives. L'ICRA, UEJF, pour ne citer que ces deux-là, je pourrais en citer d'autres, bien évidemment. Donc, on vient de donner ce pourquoi milite Moretti, avec l'aval d'ailleurs de la représentation dite nationale, qui n'a plus rien de national. La chambre d'enregistrement, quoi, vient de dire, d'accord, oui, oui, très bien, bien sûr, oui, oui, oui, les organisations juives vont pouvoir, comme ça, traquer absolument qui ils veulent, en 24 heures, et on les foutra en prison. Donc ça veut dire, et la loi de 1880 était protectrice, à dessein, contre l'arbitraire, ça veut dire qu'on va pouvoir jeter au trou des gens qui auront dit quelque chose sur Internet. Plus de procès contradictoires qui impliquaient une complexité dans les débats, qui impliquait aussi de remplir toute une série de conditions. C'est-à-dire, on ne pouvait pas faire comme ça, on ne pouvait pas juste accuser quelqu'un d'avoir dit... Non, il fallait une procédure légale, patiemment bâtie, pour que ça aille à son terme. Là, on voit un pouvoir qui veut régler des comptes à grande échelle. Il s'agit de faire du chiffre, il s'agit d'éliminer en masse des opposants. Ça ne veut pas dire les éliminer physiquement, bien évidemment, mais ça veut dire d'intimider, mais même aussi d'emprisonner, et de sanctionner financièrement. Voilà. C'est ce que je veux dire. Voilà. J'ai fait ces deux précisions, c'était très important à mon avis en préambule. Et évidemment, ça s'inscrit dans la suite de ce qu'on a dit dans la première partie de l'émission. Qui veut réagir là-dessus, sur le fait que voilà, maintenant, quand tu dis un truc sur Internet, sur Facebook, les flics peuvent arriver chez toi, et quelques heures plus tard, tu es devant un juge, et on te dit, bah voilà, monsieur, au trou. Ouais, il n'y a pas de place de prison pour les véritables racailles, pour ceux qui violent, qui volent, etc. Mais par contre, il y aurait des places éventuellement pour les gens qui diraient quelque chose sur Facebook. Ça en dit long sur la duplicité, l'hypocrisie de ce qui se passe. Je tiens quand même à préciser qu'ils ont vidé les tôles lors du premier confinement. Oui. En termes de priorité, oui, ils sont très clairs. Hein, Oui, parce que justement, la promiscuité ferait que les gens pourraient se transmettre le coronavirus. Donc, par conséquent, il valait mieux quand même libérer les criminels. C'était très, très important, quoi. Alors, la LICRA a d'autres demandes. Hein. Ils ont demandé aussi à la création. J'en ai parlé dans l'émission à plusieurs reprises, mais j'insiste parce qu'il faut que les gens, il faut qu'ils sachent, il faut qu'ils connaissent les intentions, je veux dire, de ceux qui contrôlent l'appareil d'État français. Les Juifs veulent, quand je dis les Juifs, que les gens comprennent, par la voix de leurs organisations officielles, c'est-à-dire la LICRA notamment, ils ont demandé la constitution d'un fichier public pour que toute personne condamné pour des propos à caractère discriminatoire. Alors, les gens vont se dire, mais ouais, moi, je suis pas raciste. Moi, je suis pas raciste, etc. D'accord, ok, vous êtes pas raciste, pourquoi pas, d'accord, je comprends. Mais peut-être que vous aurez tenu des propos sur les femmes, des propos sur les gros, des propos sur les handicapés, des propos sur les religions. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent, je ne suis pas raciste, etc., mais c'est vrai qu'un peu sur l'islam, quand même, j'ai des réserves, etc. Ben, si vous êtes condamné pour des propos à caractère discriminatoire, à raison du sexe, du poids, du handicap, de la nationalité, de l'appartenance religieuse ou de la non-appartenance religieuse, ça, vous pourrez figurer sur un fichier. C'est pas encore en place, ça le deviendra, exactement comme ce qu'ils font aujourd'hui avec la comparution immédiate pour des propos. Ça veut dire en fait que vous n'avez plus aujourd'hui. Cet article 20 en fait prévoit que les Français ne pourront plus être jugés au titre de la loi de 1881. Sur la liberté, sur la liberté de la presse. Ouais. Il y aura un régime pour les journalistes et un régime pour les gueux, en fait. Voilà. Et les gueux pourront être réprimés, ad nauseam par ces organisations-là, au titre de la lutte contre les discriminations. Mais ne limitez pas ça à la question du racisme. Si vous dites, si vous avez des réserves sur l'homosexualité militante, si vous avez des réserves sur les théories du genre, vous pourrez terminer devant un juge en comparution immédiate. Oui, et les journalistes en sont protégés. Qu'est-ce que le journaliste aujourd'hui ? C'est simplement un fonctionnaire de la République, de façon légèrement indirecte, puisque le journaliste va être embauché par un journal ou par une chaîne de télévision, mais cette chaîne de télévision ou ce journal vont être rémunérés non pas par les gens, non pas prioritairement par les gens qui achètent éventuellement ce journal, même si ce financement existe, mais sont financés avant tout par l'État français, et puis par aussi éventuellement des grandes fortunes, des oligarques, on pourrait dire comme ça, comme Bill Gates, par exemple, qui a filé 5 millions d'euros par an pendant plusieurs années au Monde. Voilà pourquoi le journal Le Monde, curieusement, à l'évocation de Bill Gates, est en général plutôt positive et ne soulève pas de choses qui fâchent. Donc voilà. Ce sont des auxiliaires du pouvoir, tout simplement les journalistes, et avec cette crise du coronavirus, on a bien vu qu'ils étaient avant tout ils allaient tout à fait dans le sens du pouvoir, alors qu'auparavant on disait qu'il y a quand même une fonction critique du journalisme, de remettre un petit peu en cause ce que fait un gouvernement, etc. Mais là, c'était pas du tout le cas, hein. C'est au contraire plutôt faire taire les critiques et accuser de conspirationnisme tout un chacun qui soulève des questions, ma foi, légitimes sur la base souvent d'enquêtes, d'études faites par des gens assez sérieux, quoi. Je ne vais pas revenir évidemment sur toutes ces personnes, mais que vous connaissez. Il y a une évolution du journalisme. De toute façon, le journalisme est devenu institutionnel. Et nous avons aujourd'hui affaire à des fonctionnaires de l'information. Ça, c'est une rupture fondamentale. Le fact-checking, la vérification des faits en bon français, traduit cette rupture. Avant, quelle était la fonction des journalistes ? En tout cas, c'est ce qu'on entendait par journalisme. Les journalistes, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de propagande, hein, mais on attendait des journalistes quand même une distance critique vis-à-vis du pouvoir. Ils analysaient la parole des hommes politiques, notamment des gouvernements en place, ils avaient une distance critique, et ils disaient, voilà, attention, là, ils faisaient un travail pour l'opinion publique, en faveur de l'opinion publique, de distanciation vis-à-vis de la parole politique. Maintenant, c'est tout l'inverse. Les journalistes sont devenus les avocats spécialisés du pouvoir, en charge de créditer la légitimité de ce pouvoir. D'accord ? Et le fact, regardez bien qui fact-checked. Vous voyez le journal Le Monde fact-checker le Premier ministre, fact-checker le président de la République, fact-checker le parti majoritaire, c'est très rare. Voire ça n'arrive jamais. En revanche, ils fact-checkent l'extrême droite, ou les, parfois, beaucoup plus rarement d'ailleurs, l'extrême gauche, ou ce qu'ils appellent les populistes. En fait, tous ceux qui ne sont pas dans le rang. C'est ça qui est frappant. Ceux qui ont manqué ça ont manqué une rupture fondamentale dans ce qu'on appelle le journalisme. Et maintenant, arrive donc Duport Moretti, et qui nous dit « Ah bah en plus, moi je vais rajouter une protection supplémentaire, il faudra 2 ans, si jamais vous avez des griefs à formuler contre des journalistes, il faudra 2 ans avant que ce soit jugé, etc. » Mais alors, par contre, vous, ça va aller très très vite, hein, ça va aller très très très vite. Bon, et moi, c'est ça qui me frappe. Vous savez, quand on parlait de la dissolution de l'œuvre française, etc., s'il y avait encore eu un journalisme sincère en France, lors de la dissolution de l'œuvre française, nous aurions vu des plumes de différentes sensibilités s'offusquer de ça. Pas parce qu'ils avaient des sympathies pour l'œuvre française ou les idées développées par l'œuvre française, mais ils auraient dit, attention, là, y a quelque chose de plus profond qui est en jeu, qui est la liberté d'association. N'est-ce pas ? Or, ça a été un silence de cathédrale. Il n'y a eu aucune réaction dans la presse française. On a juste eu des communiqués, en fait, c'était juste des copies des communiqués gouvernementaux passant par l'AFP. Tous les journalistes, en réalité, dans les rédactions, étaient très contents. « Ah, allez, les fascistes, ils en ont pris plein la gueule, vous voyez ?» Et puis, le processus continue. Alors, plus récemment, Baraka City. Ah ! Et là, j'ai observé ça avec intérêt. Mediapart a toussé. Pour une raison évidente, hein, Mediapart d'Edwy Plenel est pro-musulman, enfin pro-islam à fond, quoi. Mais ils se sont dit, merde, ça touche des gens de chez nous, là, quand même. Ou des gens pour lesquels on a des sympathies. Alors, là, Mediapart a dit, attention, c'est dangereux, il peut y avoir des répercussions. Évidemment, on n'aurait jamais vu Mediapart se mobiliser pour l'œuvre française, donc il y avait une grande part de malhonnêteté dans tout cela, hein, de la part d'Edwy Plenel. Mais enfin, nonobstant, ils ont quand même dit, attention, il y a une pente glissante qui commence à se matérialiser, on a un problème. Bon, évidemment, ça n'a servi à rien. Maintenant, c'est génération identitaire. Alors là, c'est plutôt l'extrême droite qui gueule un peu, et encore, hein, timidement, on n'a même pas entendu Marine Le Pen. Bon. Oula, Marine Le Pen aurait peur d'être assimilée à l'extrême droite, rendez-vous compte. Mais bon, ça gueule un peu, mais c'est pareil, les gens vont fermer leur gueule, et à gauche, à Libération, etc., bon, qui est supervisé par un ex-agent du Mossad, hein, Libération. On va veiller au grain, on va s'assurer que ça ne remue pas trop. Bon. Voilà. Il y a plus, les libertés fondamentales en France n'existent plus. Elles ont été attaquées de différents angles, par différents angles, sous prétexte sanitaire, sous prétexte de lutte antifasciste, etc. Voilà. Nous y sommes. Il n'y a plus de liberté d'association. Il n'y a plus de liberté d'expression. Il n'y a plus de liberté de mouvement. Toutes les libertés ont été supprimées en France. Ça a pris un an. Un peu plus, si on remonte au niveau de la liberté d'expression et d'association. Un peu plus. Bon, où est le grand mouvement d'opposition populaire, démocratique, libérale ? Ça n'existe pas. Donc on nous a tannés pendant des années avec un... soi-disant, quoi. Je veux dire que tout le monde était pénétré de ces... Non. Oui. Oui, bah il y a des organes de presse ou de radiophonique et autres comme RMC, par exemple, ils disent oui, enfin en tout cas il y a quelques années ils disaient ça. Chaque opinion doit s'exprimer, etc. C'était lors des journaux, par exemple, de Bourdin ou lors des Grandes Gueules, etc. Ouais. Chaque opinion doit s'exprimer. Donc en fait, oui, il y avait des gens qui pouvaient exprimer un point de vue c'était souvent assez limité, quoi. Par contre, ont-ils laissé la parole à Monsieur Forisson, enfin, ou à Vincent Renoir ou je ne sais pas. Enfin bon, puisque toutes les opinions doivent s'exprimer si on les prend à la lettre, alors du coup, on peut y aller, non? Donc c'est... Oui, c'est... Ouais, oui, tout à fait. Puis il fonctionne aussi souvent par occultation. Il y a plein de faits qui tout simplement sont pas relatés. Bon, la fraude aux États-Unis qui était massive. Alors les médias français n'en ont pas parlé puisque vu qu'ils avaient célébré Biden d'emblée, alors finalement la contestation de Trump n'a pas abouti. Mais en tout cas, il y avait quand même. C'était quand même quelque chose, quoi. La question de la fraude aux États-Unis, ou complètement autre chose, l'arrestation, l'internement de Jean-Bernard Fourtillant. Oui. Pas du tout, alors là, Europe 1, les médias, les trucs, alors, Sud Radio rien du tout. Quoi, rien du tout. Voilà, Sud Radio, c'est vrai, Sud Radio, c'est un média qui se prétend en partie dissident. Mais bon. Disons qu'il c'est une stratégie marketing hein, très souvent, mais Sud Radio laisse parler un peu plus de personnes. Bon, mais bon, c'est un peu plus, c'est pas non plus. Mais ils en ont parlé, oui. Oui, il faut savoir le dire aussi quand il ne faut pas. Être tout à fait, c'est vrai, dans certains cas, ils peuvent le dire, mais c'est à la marge, quoi. Il y a beaucoup de médias qui se sont tués, alors que c'était quand même un phénomène important, qui n'était pas totalement isolé. D'autres personnalités avaient été déjà internées, on l'avait dit, un professeur d'économie il y a quelques années, Jean-Luc Accomo, ou bien un maire d'une ville qui avait été aussi interné de force en psychiatrie, donc voilà, c'était un phénomène qui passe relativement inaperçu si on ne fait que lire Le Monde ou Le Figaro. Oui, le fact-checking et l'accusation de complotisme, en fait, traduisent cette peur de ceux qui sont au pouvoir, hein, de la caste établie, de la haute bourgeoisie même, de se voir remise en question. Quand vous entendez en fait les accusations de complotisme, c'est extrêmement trompeur, et d'ailleurs c'est une accusation très, très perverse. Parce qu'en réalité, la question n'est pas de savoir si quelqu'un serait victime d'une part d'irrationalité et véhiculerait des opinions qui seraient irrationnelles. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est que pour eux, tout ce qui a tendance à remettre en cause l'ordre établi relève d'une part d'irrationalité. C'est-à-dire que de leur point de vue, quand ils accusent quelqu'un de complotisme, en fait, c'est que pour eux, remettre en cause l'ordre établi est irrationnel. D'accord ? Mais vous pouvez avoir des causes très rationnelles pour remettre en cause l'ordre établi. Et c'est tout le problème. Or, ces gens-là disent, non, si vous remettez en cause l'ordre établi, vous êtes irrationnel. Vous êtes... La formule, vous êtes complotiste. Pour ma part, je ne suis pas complotiste. J'ai pas d'hallucination. Je raisonne, je collecte des informations, et j'en fais une synthèse, et ça m'amène à un certain nombre de conclusions, et ensuite j'agis sur cette base. Et non, je ne suis pas du tout complotiste. Hein. Je vois des intérêts se coaguler pour atteindre des objectifs. Et d'ailleurs, même, ils le revendiquent, d'ailleurs. C'est quand le CRIF fait ce qu'il fait, quand la LICRA fait ce qu'elle fait, quand la DILCRA fait ce qu'elle fait, ils ne se cachent pas, ils communiquent. Il y a des communiqués publics. Quand le Khalifa, le président du CRIF, rencontre Moretti pour exiger que les Français puissent être jetés en prison en 24 heures parce qu'une opinion lui déplaît, ce n'est pas moi qui l'invente. C'est lui qui communique sur sa rencontre avec le garde des Sceaux pour dire « j'ai fait cette demande, j'ai demandé à ce que la loi évolue pour que l'on puisse mettre en prison des gens en 24 heures ». D'accord ? C'est pas moi qui invente ça, c'est lui qui le communique. Bon, c'est pas complotiste de le dire, voilà. Mais c'est une façon de disqualifier la parole critique. Et ce que je note, c'est le rôle du journalisme là-dedans. Le journalisme cautionne ça, met sa marque là-dessus, en disant, en accusant tel ou tel de complotisme. Et il y a un unanimisme, je veux dire, dans les titres de presse, quoi. C'est dans la presse régionale, dans la presse nationale, dans la presse radio diffusée, dans la presse télévisée. On voit qu'il y a une homogénéité sociologique chez ces gens. Et idéologique, bien sûr. Et alors évidemment, tous ceux qui les remettent en question, ils disent oh, c'est du populisme. Et on entend pratiquement dire ah oui, en fait c'est le peuple. Vous voyez, oh, oui, c'est le peuple, ça, c'est le peuple qui gueule. Voilà. Et le peuple est irrationnel, vous comprenez bien. Bon, on est à deux doigts d'une révolution. Hein. On est à deux doigts d'une révolution, et c'est ce qui les rend très nerveux, c'est ce pourquoi ils ne tolèrent plus de divergences et des associations qui étaient encore tolérées il y a quelques années, en fait, ne le sont plus aujourd'hui. En raison de ce climat ambiant, quoi. Voilà. Non, ils ne veulent plus. Ils ne veulent plus entendre la moindre contestation. Il y a plein de choses. Il y a quelques années, c'était le racisme, qui n'était jamais défini d'ailleurs, parce que le racisme, ça commence où ? Est-ce que c'est parce qu'on défend plutôt les gens, comment dire, nos ancêtres, ou les gens qui ont les mêmes origines que nous ? Ou bien est-ce que c'est parce qu'on est être raciste et vouloir tuer tous ceux qui n'ont pas la même couleur de peau ? Bon, il faut quand même un petit peu définir de quoi on parle. De même, la xénophobie, alors phobie, c'est la peur de quelque chose, mais c'est quelque chose qui est de l'ordre de la psychiatrie, donc, alors bon, c'est... Tout ça, mais voilà, on dit que des gens sont complotistes, que le prix Nobel de médecine Montagnier est complotiste parce qu'il croit que le virus a été trafiqué en laboratoire. Bon, sans vouloir organiser un débat ou à l'issue duquel peut-être Montagnier aurait tort, peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas, plutôt que de vouloir véritablement, authentiquement débattre et arriver à la vérité, on accuse les gens. Voilà, xénophobie, racisme, complotisme, conspirationnisme, il y en a pour tous les goûts. Oui. Quelqu'un d'autre là-dessus ? En tout cas, c'est, cette loi-là, ça c'est les lois Fortou typiques. Hein. En plus, le titre est révélateur, quoi. Conforter les principes républicains. Ou les... Alors ça c'est... Vous êtes sûr que... C'est pour tirer dans le dos du peuple. Hein. Ça c'est c'est un ramassis de lois scélérates. Et là le sceau hébraïque est apposé dessus de manière explicite. Hein. Il n'y a pas de problème. Hein. Mais c'est une escroquerie. Mais ah oui, mais c'est pour lutter contre l'islamisme. Voilà. Ben les gens, ils avalent, ils se disent, ben oui, c'est vrai, il faut lutter contre l'islamisme, quoi. Les gens, ils vont pas voir les sujets, ils vont pas creuser, ils vont même pas lire les textes de loi, etc. Voilà, ils s'intéressent pas. Et ils se font truander. Alors maintenant, ils sont tous séquestrés chez eux après 18h. Bon, attention, ça a des conséquences, hein. Quand vous laissez les dirigeants faire n'importe quoi, ça a des conséquences. Voilà. Et maintenant, vous êtes séquestrés chez vous, c'est une conséquence de cette dérive. Je crois qu'ils s'en foutent un petit peu de la liberté d'expression. C'est des choses qui passent au-dessus de la tête de la plupart des gens. Mais ça fait longtemps, moi, que je dis que il y a beaucoup de gens en France, et pas qu'en France, qui sont mûrs pour l'esclavage. Bon, bah, on y vient. Je suppose qu'on veut dire on y est, mais... on n'en est pas loin, en tout cas, ouais. Oui, bah, quand on te mettra pas des menottes et un boulet, hein, on te mettra une puce, mais ça sera pareil. Un tatouage. Bill Gates vient. J'en ai parlé la semaine dernière. Bill Gates a proposé une nouvelle technologie, là. On te met un tatouage invisible à l'œil nu, mais qu'on peut détecter avec un smartphone. Tu vois ? Ouais, mais il est très créatif, ce garçon. Oui. Il déverse beaucoup d'argent aussi sur les gouvernements, ça aide, hein, et la presse aussi. Hein. Oui. Ah, j'ai lu une news comme ça, un des big data, je crois que c'est Google, qui va donner plus de 60 millions d'argent à la presse française. Ah tiens ! Ouais. Un bel acte de générosité, tourné vers, bien, je présume, la transparence et l'information du public éclairée, j'imagine. Quoi. Oui, la liberté, les bisous, les poneys. Les poneys. Et la volonté de contrôle s'exerce aussi sur la nourriture, sur à la fois le bétail et puis les légumes et tout ça. Il y a des grands systèmes impliquant justement la 5G qui sont très officiellement mis en place pour essayer. Alors c'est toujours pareil, c'est prétendument pour la santé des populations et leur protection, prétendument pour renforcer les chaînes d'approvisionnement qui ont été mises à mal lors de la crise du Covid-19, donc on procède à une traçabilité totale. Et concrètement, si vous avez un petit jardin à l'avenir, notamment aux États-Unis, ou une ferme, une toute petite ferme, si vous êtes incapable de justifier la provenance de vos produits, si vous ne les déclarez pas, vous êtes hors la loi. Donc voilà, on ferait du marché noir de petits pois, et vous pourrez être peut-être mis en prison pour ça. C'est pour dire que... Déporté, voilà, vous avez filé à votre voisin finalement des haricots, donc là attention, d'où vient cette nourriture, c'est peut-être dangereux, etc. Non, mais il y a vraiment une volonté. Ce sont des gens qui ont une mentalité technocratique. Ils ont des moyens maintenant technologiques qui leur offrent vraiment de nouvelles possibilités. Ils veulent vraiment tout contrôler. Et comme tu dis, ça va jusqu'aux carottes dans ton jardin. Ça concerne tes déplacements, ça concerne tous les mouvements d'argent. Et vraiment, ils veulent vraiment avoir la main sur tout. La grande différence, c'est que maintenant, ils ont les moyens technologiques pour ça. Oui. Cette volonté a toujours existé, mais c'était simplement du domaine du rêve. Mais maintenant, virtuellement, ça devient possible. On dit, voilà, surveiller les jardins, on dit, quoi ? Mais si technologiquement, ça devient possible à très bas coût pour un gouvernement, bah pourquoi pas ? Vous voyez ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Vous voyez ? Parce qu'ils vont se dire, ah bah ouais, mais... tant de potagers multipliés par tant de personnes, etc. Si on pouvait taxer un petit peu tout ça, etc. Bon, ça pourrait peut-être nous permettre de gratter quelques milliards. Vous voyez, c'est aussi délirant que ça paraisse. Si technologiquement c'est possible, le gouvernement le fera. De toute façon, si vous pensez que le gouvernement n'a pas d'imagination en matière d'impôts, vous avez qu'à consulter toutes les taxes qui existent en France. Je vous assure, vous allez avoir le vertige. Hein. Une véritable notion de l'infini, hein, pour le coup. C'est... Non mais c'est vrai, on a des gens quand même très talentueux à Bercy, à ce niveau-là, il faut pas... Les politiciens sont peut-être incompétents, hein, mais les gens du fisc ne sont certainement pas incompétents. Ce sont des gens extrêmement compétents, extrêmement brillants. Peut-être les seuls dans tout le gouvernement français, peut-être avec l'armée, je ne sais pas, mais non, ils sont très très compétents, c'est incroyable. Hein. Vous avez des taxes, vous savez même pas que techniquement c'est réalisable, mais bon. Bref. Un monde de liberté. Qui sait. Oui, puis il faudrait pas que les gens soient autonomes, parce que si en plus maintenant il y a pas mal de gens qui vont se mettre à la campagne, qui vont quitter les villes, donc s'il y a des gens qui commencent à faire leur potager, à devenir un petit peu indépendants ou gagner en tout cas un petit peu d'indépendance de par ce biais, il faut bien comprendre que le gouvernement, pas seulement le gouvernement français d'ailleurs, c'est quelque chose de plus global que ça, déteste les gens autonomes, quoi. Oui, c'est une. D'ailleurs, c'est l'objet des confinements. Hein. Les confinements, c'est fait pour détruire l'économie libre. Ça a spécialement visé les commerçants, les artisans, hein, ou les auto-entrepreneurs, comme notre camarade qui a été frappé de plein fouet. C'est une démarche délibérée. Ça, c'est des gens dont ils veulent se débarrasser, quoi. Voilà, c'est les gens qui ont leurs propres moyens de production, ça, ils n'en veulent plus du tout. Plus du tout. Voilà, t'as ton revenu universel, d'accord, et tu vas acheter chez Amazon. Ça, c'est le projet. Ouais. Et Amazon, vous avez vu, hein, toute la vague de censure chez Amazon, vous savez, maintenant, il y a des tas de publications qui sont épurées chez Amazon. Si vous n'avez plus qu'Amazon comme fournisseur de bouquins, plus un ou deux autres, quoi, des très grandes centrales globales comme ça. Si vous ne pouvez plus vendre chez eux, comment vous faites ? Et si par ailleurs la régulation, la censure de l'Internet s'intensifie, comme c'est le cas aujourd'hui, avec la suppression de sites Internet, pas juste de petits sites, on parle de gros sites. Hein. Rappelez-vous, il y avait eu ce Parleur, l'application alternative où se retrouvaient des gens de droite aux États-Unis, elle a subi l'offensive générale d'Amazon, d'Apple, de Microsoft. Enfin, c'est une politique de contrôle total. Donc, si vous êtes un écrivain, par exemple, vous êtes un écrivain, ou même un chercheur en histoire, je ne sais pas, enfin, vous pouvez tout imaginer, quoi, et que vos thèses ne plaisent pas et que vous les diffusez sur Amazon, vous serez purgé. Vous serez purgé. Vous voyez ? Donc, il faut... Et c'est pas de la science-fiction. On y est. On est dedans. On est dedans, là. Et on va pas rester au niveau des bouquins. On va vraiment arriver même au commerce de détail, tu vois. Tu vends pas le bon truc, toi ? S'il reste même un commerce de détail. Si même il reste un commerce de détail. D'ailleurs, l'État français a donné le feu vert à Amazon pour apprendre, en fait, aux commerçants à se digitaliser. Bon, ça veut dire on donne à Amazon le pouvoir sur tout le petit commerce pour l'euthanasier. Hein, voilà, et s'emparer du contrôle total de tout ça. Hein. C'est incroyable, mais ça se passe en ce moment. Hein, en ce moment. Hein, devant nous. Et là, je rejoins une partie de la mobilisation de l'extrême gauche contre Amazon. Comme quoi, dialectiquement, il y a toujours des surprises. J'ai vu qu'il y a certaines mobilisations contre l'implantation d'Amazon dans certains endroits. Là, c'est un combat, si vous voulez, qui peut être transpartisan. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va faire des bisous aux communistes. Hein. Mais il y a un vrai front à opposer à cette mainmise globaliste sur notre économie. Hein. Parce que sinon, on va devenir des esclaves. Hein. Alors maintenant, je vais vous parler un petit peu de Marine Le Pen. Vous allez me dire pourquoi. Oui, ce serait une question bien posée, justifiée. Alors, on a parlé de la dissolution de Génération Identitaire en disant, voilà, comme quoi l'opposition, finalement, même quand on est conciliant, bah, elle subit au bout d'un moment quand même les fourches codines du système. Alors, Marine Le Pen a débattu avec Gérald Darmanin. Marine Le Pen qu'on crédite, je crois, de 48% au second tour de l'élection de 2022, si jamais élection il y a. J'ai regardé, comme vous tous, peut-être, peut-être pas, je pense que beaucoup de gens l'ont pas regardé en fait, mais bon. Le débat entre Marine Le Pen et Gérald Darmanin. Alors, je voulais en fait solliciter, c'est une discussion assez ouverte en fait, pas uniquement focalisée sur le débat, ça peut, on peut voir le truc sous différents angles, c'est-à-dire... d'après la performance de Marine Le Pen, comment vous sentez l'affaire pour 2022, si jamais des élections il y a, comme je l'ai dit. On nous parle d'une candidature sauvage d'Éric Zemmour, il y aura peut-être quelque chose à dire là-dessus aussi, nos auditeurs aimeraient peut-être entendre votre opinion à ce sujet. Voilà, bon, on peut, voilà, il y a là un bouillonnement pré-présidentiel, dira-t-on. Qu'est-ce que vous voulez en dire? Je ne sais pas si vous avez regardé nécessairement le débat avec Marine Le Pen. Moi, j'ai regardé certains extraits, j'ai vu le début surtout. Bon, je ne vais pas tout de suite sortir. Bon, je vais pas sortir la mitrailleuse lourde tout de suite. Voilà, je me retiens un petit peu. Qu'est-ce que vous voulez dire? Les sondages relèvent souvent de la prophétie autoréalisatrice, quoi. C'est comme. Enfin bon, je crois que c'est De Villiers qui avait expliqué ça dans un bouquin. C'est qu'à un moment donné, il faisait pour une campagne européenne, je ne sais plus, les années 90, je crois, 95, 93. Bon, il faisait Maastricht, je crois. Ouais, au moment de Maastricht, c'était en 93, hein, du coup. Il y avait pas mal de monde à ces meetings, il y avait vraiment, vraiment, c'était pas mal, quoi. Il y avait de l'affluence, et puis, ça décollait pas dans les sondages, quoi. Il était très, très bas dans les sondages, et puis donc, il a eu ensuite des contacts avec les instituts de sondage, les gens qui s'occupaient de ça, puis il a compris qu'il fallait, en fait, mettre la main à la poche pour avoir des sondages en sa faveur, aussi, je crois. Donc, disons que, dans le cas de Macron, ceux qui se souviennent de bon, cette élection qui était quand même très récente, c'était moins de 4 ans. Macron, au départ, n'était pas connu. Il était un petit peu connu à partir de 2014, puisqu'il a été ministre de l'économie, 2014-2015. Bon. Mais il n'avait pas de parti derrière lui important. Il y avait quand même les grands partis qui étaient installés, comme le Parti Socialiste, même si c'était discrédité parce que François Hollande n'était pas un président considéré comme très charismatique, ni très compétent. Bon, l'UMP avait était favori, enfin, avec les Républicains, avec François Fillon, bon, Front National était un parti installé, puis finalement celui qu'on a présenté assez rapidement comme étant l'homme vraiment qui montait, crédité au tout départ de 3-4%, montant ensuite à 10, 15, 18, 20, 24, etc., c'était Emmanuel Macron, et véritablement on voyait dans les médias un forcing incroyable pour faire en sorte que la réalité des urnes corresponde à la réalité qu'ils avaient présentée auparavant. Donc moi, les sondages, j'y crois pas beaucoup, mais ce qui est assez certain, c'est que si jamais il y avait de nouveau un duel avec Marine Le Pen, Marine Le Pen ne pourrait pas faire mieux, et qu'est-ce qu'elle a déjà fait, et puis elle laisserait la voie à une réélection, elle ouvrirait la voie à une réélection du candidat en place, c'est-à-dire... candidat, alors La République En Marche peut-être, mais en tout cas le candidat tout simplement mondialiste, celui qui est le valet de chambre de l'élite mondialiste que l'on a décrit par ailleurs. Oui, Emmanuel Macron reste, est jeune encore, hein, il a 42 ans, je crois, non ? 43, je crois même. 43, bon, c'est quelqu'un de jeune, il est dynamique, hein, nonobstant. Ses positions, donc c'est quelqu'un qui pourrait se prévaloir, parce qu'il avait la caractéristique de la jeunesse il y a 4 ans, maintenant il pourrait y ajouter la qualité de l'expérience. Il peut dire, voilà, je reste jeune, je suis en phase avec mon époque, mais j'ai l'expérience, voilà. J'ai maintenant l'expérience pour moi, et j'ai des projets pour la France, etc., etc. Face à ça, Marine Le Pen, qu'est-ce qu'elle pourrait proposer ? Par rapport au cœur de cible. Parce que Marine Le Pen veut mordre sur le centre. Fatalement, hein, il faut 51%. Et le problème, c'est que le centre est résolument occupé par Emmanuel Macron. Mais vraiment totalement occupé, quoi. Je veux dire, Emmanuel Macron, pardonnez-moi, rassure le centre-gauche, le centre-droit, peut même mordre à gauche et peut même mordre à droite, ce qui est tout l'objet de sa stratégie, comme le voit contre le séparatisme islamiste, même si, bien sûr, stratégie, il n'y a point, parce que Macron n'a aucune intention de malmener les bougnoules, on est bien d'accord, hein, je veux dire, c'est de l'écume médiatique. Et d'ailleurs, il est tellement hostile aux islamistes qu'il dissout Génération Identitaire, qui fait des tours de 4x4 dans les Pyrénées pour voir s'il n'y a pas de musulmans un peu radicaux qui passent les frontières. Donc c'est pour vous dire. Donc bon, voilà. Donc c'est du théâtre, mais ça suffit à rassurer, en gros, les boomers. Parce que c'est ça en fait l'enjeu, c'est les boomers. Faut pas se mentir. C'est eux qui ont l'argent, le patrimoine. C'est eux qui sont les plus nombreux. Culturellement, ils ont encore l'ascendant, notamment médiatique. Quand je dis médiatique, c'est au niveau générationnel, quoi. Je veux dire, leur valeur domine encore médiatiquement, quoi. Et voilà, et Macron n'a pas trop de soucis à se faire là-dessus. Mais il faut quand même occuper le terrain, voilà. Donc, il fait un pseudo-virage à droite contre l'islamisme, médiatiquement parlant, hein. Ensuite, qu'est-ce qu'il va nous faire à gauche ? Il va peut-être faire de l'écologisme à l'emporte-pièce. Bon, voilà, peu importe. Face à ça, Marine Le Pen, qu'est-ce qu'elle nous propose ? Elle était censée nous proposer quelque chose lors de ce débat, quoi. Voilà. Qu'est-ce que vous avez pour nous en stock, Marine Le Pen ? Eh bien, on a découvert que Marine Le Pen n'avait strictement rien en stock. À tel point que Darmanin a pu pratiquement se poser comme plus dur que Marine Le Pen. Hein, Darmanin a fait un procès en mollesse à Marine Le Pen. Ce qui est fou, quoi, je veux dire. Imaginez-vous un ministre de l'Intérieur de François Mitterrand faisant un procès en mollesse à Jean-Marie Le Pen. Vous imaginez, ce serait hallucinant, quoi. Pour ceux qui nous écoutent qui sont plus jeunes, évidemment, c'est un peu loin. Enfin, Marine Le Pen, maintenant, est ringarde. Enfin, il y a une tentative, et qui marche, hein, de ringardisation de Marine Le Pen sur ses thèmes de prédilection. Immigration, insécurité, islam radical, insécurité culturelle aussi, pourrait-on ajouter. Sur tous ces sujets-là, on a vu Darmanin, une espèce de rigolo, quoi, parce que enfin, Darmanin n'est pas du tout crédible, quoi, je veux dire, il est là, il fait de la figuration, je veux dire, enfin, c'est bon, bref, et, mais il est là, oui, mais Marine Le Pen, parce qu'à un moment donné, le débat commence comme ça, la 7e minute, tout de suite, hein. Marine Le Pen met un point d'honneur à dire qu'il ne faut surtout pas faire le lien, amalgamé, pas d'amalgame, s'il vous plaît, entre la religion et l'idéologie, sous-entendu, faut pas amalgamer l'islamisme et l'islam. Extrême droite 2021 France, s'il vous plaît, n'amalgamez pas l'islamisme avec l'islam. Marine Le Pen. Bon, je veux dire, c'est des propos que peuvent tenir des gauchistes fini beurré de Mediapart un vendredi soir. Franchement. Je veux dire, Marine Le Pen, quoi. Je veux dire, c'est censé gagner ça. Quelle dynamique. Les gens restent chez eux. Les gens restent chez eux. Ils vont pas aller voter en masse pour des gens. Parce que c'est ça, en fait, le joker du RN, c'est les abstentionnistes. C'est là que ça se passe. Faut aller chercher les électeurs quand ils restent chez eux. Pour ceux qui croient à l'électoralisme, j'entends. Il faut aller les chercher. Faut les faire se déplacer, faut les énergiser. Et Marine Le Pen, elle est toute molle. Oh, faut pas quand même diaboliser l'islam, hein, c'est une religion française comme les autres, etc. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc, etc. Et donc tu as Darmanin, sans même forcer, parce qu'il a même pas besoin, je veux dire, de lever la voix, il a même pas besoin d'utiliser des mots très durs, il disait, oh, Madame Le Pen, je vous trouve un peu molle, franchement. Non, il faut être un peu plus dur que ça, il y a une dérive dans l'islam, etc. Non, mais on se frappe la tête contre les murs, quoi, je veux dire. Dans un pays où, si tu veux, on égorge les gens dans les églises, je veux dire, c'est incroyable, quoi. Oui, et quand on égorge des gens dans les églises, justement, ce qui est, alors, au-delà du fait lui-même, qui est très sanglant et abominable, il y a le, qui lui, pour le coup, est la marque de l'islamisme, là, je crois qu'on peut le dire, mais il y a tout un tas de gens qui, sur Twitter ou sur d'autres réseaux, finalement, ou alors quand on va, quand les journalistes vont se promener leur caméra dans ces quartiers-là, de plein de gens qui soutiennent justement l'égorgeur. Donc c'est ça qui est une composante essentielle de, comment dire, la perméabilité qui existe entre des gens qui soutiennent intellectuellement sans eux-mêmes passer à l'acte, mais qui se sentent solidaires de terroristes, en fait, hein. Et alors effectivement, il existe évidemment des dizaines et des dizaines ou des centaines de millions de musulmans sur la planète. Tous n'ont pas égorgé. Bon, très bien, évidemment. Mais là où j'ai dû... Bon, d'une certaine manière, je la comprends, c'est ce que, bon, parce que effectivement, quand on pèse politiquement, elle a quand même fait 10 millions de voix au deuxième tour, elle est obligée de peser ses mots, elle peut pas, bon, bref, soit. Mais d'un autre côté, elle avait embauché il y a pas très longtemps un gars d'origine donc chrétienne égyptienne, Messia, hein, qui lui avait quand même tenu des propos assez rigoureux contre l'islam. Il avait dit notamment l'islam n'est pas compatible avec la France. Il avait dit des choses comme ça. Et après on lui disait, oui, mais attendez, vous attaquez les musulmans. Quand il était passé chez Hanouna, il avait dit ça, je me souviens. Et il a la première fois. Parce qu'il a, après, des gens lui disent, oui, mais vous attaquez les musulmans. Il dit, non, moi j'attaque l'islam en tant que système politique, religieux, qui s'attaque à tout dans la société, puisque l'islam, enfin, c'est une religion d'une certaine manière, mais c'est quelque chose qui envahit tous les aspects de la société. Il a dit, il peut y avoir des musulmans qui sont des gens corrects, mais je refuse l'islam en tant que système. Et donc, c'est quand même quelqu'un qui avait été engagé par Marine Le Pen pour tenir ça comme discours. Et là, elle est d'une mollesse, comme tu l'as dit, étonnante ou incroyable sur un sujet comme celui-là. Il y a aussi un autre sujet qui enfin, on voit l'impasse de la rhétorique anti-islam, si vous voulez. Alors, j'ai pas... Bon, évidemment, j'ai aucun problème avec le fait de dénoncer l'islamisation, la conquête islamique de l'Europe, qui est une réalité démographique. Mais encore une fois, il faut préciser une chose. Cette réalité n'est possible, non pas parce que nous avons face à nous des armées musulmanes d'une particulièrement redoutable qui pourrait forcer nos frontières, c'est simplement parce que les gouvernements occidentaux le veulent. Et s'ils le veulent, c'est parce qu'ils sont sous influence. Bon, ça, on en a quand même suffisamment parlé, j'ai pas besoin d'y revenir. La limite de la rhétorique anti-islam, c'est que très vite, parce que on est dans un cadre républicain, comme tu le dis, hein, Marine Le Pen, voilà, 10 millions de voix, deuxième tour, elle peut pas dire n'importe quoi, elle peut pas appeler à la croisade, n'est-ce pas, surtout qu'elle n'est pas catholique ni chrétienne, donc, en tout cas, géométrie variable, disons. Dans ces circonstances-là, vous pouvez pas remettre en cause la liberté de culte. Si vous dites, je suis républicain, je respecte la liberté de culte, etc. Bon. D'accord, donc vous dites, vous critiquez l'islamisme. Bien, alors vous allez vous enfermer dans une critique d'une certaine pratique de l'islam. D'accord, bien. Et vous allez dire, alors c'est pas tous les musulmans, c'est une partie des musulmans, une certaine pratique. Et là vous allez, d'accord, comment ça se quantifie? Et là vous allez entendre parler d'histoire de nourriture et plus sûrement de questions vestimentaires. Bien. Alors, nous sommes tous quand même globalement d'accord sur le fait que le grand remplacement n'est pas exclusivement le fait de personnes en hijab. D'accord ? C'est même plutôt la minorité en réalité. D'accord ? C'est une présence visible, agressive, mais qui reste minoritaire. Et ça n'est pas tout le grand remplacement. Le grand remplacement est beaucoup plus large que ça. Et... c'est là que la rhétorique anti-islam se prend les pieds dans le tapis. Et moi, je suis désolé, le RN de Marine Le Pen s'est totalement égaré. Parce qu'on ne parle même plus d'immigration. Si vous écoutez Marine Le Pen, elle parle très peu d'immigration. Pratiquement plus. Elle en parle, voilà, dit oui, l'immigration clandestine quand même, etc. Mais elle ne parle pas du remplacement ethnique, racial, qui est une réalité dans des tas de villes françaises, des tas de communes françaises. On ne parle même plus de pratique, de l'islam. Non, là, c'est carrément, il n'y a plus de français. D'accord ? Donc, là est le problème, si vous voulez. Le discours numéro un, ça devrait être l'immigration. Et ensuite, de dire, voilà, à cause de l'immigration extra-européenne, nous avons un problème majeur d'insurrection à caractère ethnico-religieuse qui devient même violente. Voilà. Et là, vous pouvez parler de l'islam, du djihadisme, etc. Mais tout en... Si on parle uniquement des djihadistes, excusez-moi, on va parler de quelques milliers de personnes. Qui peut croire un instant que ce qui rend la vie des Français impossible au quotidien, c'est quelques milliers de djihadistes? C'est faux, c'est archi faux, c'est totalement faux. C'est un symptôme qui traduit une évolution grave, mais au quotidien, vous vous baladez dans la banlieue lyonnaise ou la banlieue parisienne, excusez-moi, vous voyez pas des mecs en cagoulé avec des RPG sur l'épaule qui déambulent en pick-up. C'est pas vrai, c'est pas ça que vous voyez, d'accord? Donc là on fait fausse route. Là on fait fausse route. On fait fausse route. Comme les débats sur la longueur du voile, c'est on est hors sujet. On n'est pas dans une mission civilisatrice dans le monde musulman, d'accord? On n'est pas là pour permettre aux jeunes filles musulmanes d'Afghanistan d'accéder à l'éducation. Ça, c'est pas le problème. Et Marine Le Pen n'a pas compris ça. Elle a pas pigé ça. Elle n'a pas pigé ça. Et malheureusement, je crois que c'est la conséquence de l'orientalisation ethnique aussi de l'extrême droite. C'est qu'à force de prendre du Libanais, du machin, du truc, la question c'est quel est le bon bougnoul? C'est pas mon sujet, moi, personnellement, vous voyez. Et il y a beaucoup de Français qui sont pas dans cette optique-là, vous voyez. Ils sont plus comment je fais pour rester français en France, vous voyez. C'est plus ça, tu vois. C'est voilà. Et voilà. Donc, je pense qu'il y a une impasse au niveau de la stratégie du RN qui est due à la personnalité de l'actuelle présidente. C'est indéniable. Du coup, vous êtes là, un coup on en fait beaucoup sur l'islamisme, un coup on en fait un peu moins, Darmanin arrive, il joue le fond de cour, et puis il monte au filet, et puis il dit « vous êtes trop molle, hein, voilà ». Et elle a dit « ah ben non, mais finalement, non, mais je suis pas trop molle, donc la prochaine fois, elle va nous en faire des caisses sur le voile parce qu'il est, il est trop long, voilà ». Et non, bon, moi je dis non, on fait fausse route sur tout ça. La question, c'est le remplacement ethnique. C'est l'immigration de masse, c'est l'africanisation raciale, c'est le nombre d'immigrés en France d'origine non européenne. Voilà, tout ça peut être quantifié. Tout ça peut être quantifié, d'accord. Il y a des données de l'INSEE, etc. Il y a des tas, on peut mobiliser des tas de chiffres sans se faire traiter de fou. Voilà, on va dire, voilà, nous avons un problème. Les Français de race blanche vont devenir une minorité en France. Ouais, ça, c'est un sujet. Où est Marine Le Pen? Elle n'est pas là. Elle nous emmerde avec ses histoires de distinction entre l'islam et l'islamisme. Bon, moi, vous pouvez me dire ce que vous voulez, hein, on va gagner l'élection, machin truc, machin, vous serez à l'Élysée, bon, bon, ce que vous voulez. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui. Mais... C'est-à-dire que la ligne de Marine Le Pen, on pourrait résumer non à l'islamisation de notre négrification par les juifs. C'est à peu près ça. Non mais et ça ne nous mène strictement à rien. Donc oui, comme tu dis, on peut gagner, elle peut gagner l'élection, ça ne changera strictement rien. Vous aurez toujours autant de nègres en France, et en plus avec les cailloux à nègres qu'elle veut arroser de fric que sont Mayotte et les Antilles, c'est pire que tout, quoi. Le problème avec le Front National. Peu importe ce qu'elle raconte, l'autre folle, c'est une espèce de biquette à trois pattes. Enfin, c'est un cheval malade, elle sert à rien. Historiquement, le FN, je veux dire, c'est une arnaque. Ce sont des gens qui ont permis l'élection de Mitterrand en 81. Le FN, ça sert à fracturer la droite en deux et permettre à la gauche de gagner. actuellement à Macron de gagner. Je veux dire, ce parti a toujours été, je veux dire, une opposition sous contrôle. Et c'est ce qu'elle continue d'être avec cette folle. Je pense que le problème, c'est pas tant elle, c'est que ce parti a toujours été, en vérité, un piège pour les nationalistes. Il faut pas s'attendre qu'un parti qui a toute sa vie a servi en vérité à nous faire perdre devienne autre chose. Donc voilà, moi elle peut raconter ce qu'elle veut, de toute façon je l'écoute pas. Et personnellement, j'espère qu'elle fera un score nul à chier et qu'on se débarrasse très très vite de cette espèce de fausse opposition là qu'on nous a mis dans les pattes et qui est une arnaque de A à Z, oserais-je dire. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Poro, c'est que le FN, ça a permis, on va dire, la loyalisation à la République des gens de nos idées. Parce qu'avant que le FN existe, tu n'avais pas de structure électoraliste des gens de nos idées. Si tu veux, c'était seulement des groupes, des syndicats étudiants, etc. Et ça nous a mis, comme tu l'as dit, donc pour fracturer la droite en deux, ça nous a mis dans un piège autistique dans lequel on est coincé actuellement. 40 ans qu'on se fait niquer avec ça, hein. Je veux dire, il est temps d'arrêter. Hein. Bah après, le comment dire, Le Pen, il y avait un côté visionnaire. Bon, dans les années 70, il y a des gens qui l'avaient dit avant lui, hein, comme Enoch Powell en Grande-Bretagne, mais des gens qui avaient dit que l'Europe connaîtrait un très gros souci migratoire de submersion. Donc, il l'avait quand même dit. Sur pas mal de sujets, il était dans le vrai, alors que lui, à titre personnel, ou bien à la tête de ce parti en tant que responsable politique, il fait beaucoup d'erreurs, ou qu'il a été, dans certains cas, l'allié au moins objectif, si ce n'est parfois... complices du pouvoir ou des gens qui voulaient être élus ou être réélus, que ce soit Mitterrand ou Chirac, c'est possible. C'est tout à fait possible. Cela dit, là, c'est qu'on est dans l'abandon de fondamentaux, quoi. C'est-à-dire que la Gandalf a dit tout à l'heure, il n'a pas été question de zone de non-droit et c'est le reproche. Là, j'ai écouté le journal de bord de Jean-Marie Le Pen concernant ce débat Darmanin-Marine Le Pen. Il a dit oui, ok, d'accord, ce débat. Et le tabou de ce débat, ça a été les zones de non-droit remplacées par précisément, on peut les appeler djihadistes, musulmans, arabes, je sais pas, mais en tout cas des villes justement comme Trappes. Et qui montre bien qu'il y a très gros soucis de submersion. Donc, Marine Le Pen n'a pas abordé ce sujet-là. Pour être tout à fait honnête, le seul extrait que j'ai écouté, ça concernait justement l'immigration. Elle a dit « je veux un référendum ». Parce que le journaliste lui a posé la question « mais alors vous faites quoi concernant l'immigration ?» Et elle a dit « bah écoutez, c'est aux Français de décider ». Donc elle n'a même pas proposé de programme. Bon, de toute façon, il faudrait d'abord qu'elle soit élue, non seulement qu'elle s'arrive en tête au deuxième tour, mais en plus... qu'elle gagne le Parlement, hein, parce que sinon elle se retrouverait présidente sans gouvernement, puisque si l'Assemblée n'est pas du bon côté, le gouvernement n'est pas du bon côté, hein, c'est une évidence en France, dans le système français, donc il faudrait déjà qu'elle gagne tout ça. Bon, elle a dit je veux un référendum, mais alors évidemment, dans un référendum, ça dépend quelles questions on pose. Est-ce qu'elle poserait la question de la remigration, qui est une question essentielle? Je ne crois pas qu'elle la poserait comme telle, donc de toute façon, c'est vrai que on est face aux difficultés électorales, c'est vrai, parce que la structure n'est pas faite pour gagner. On a une élection à deux tours comme ça, avec les médias contre un parti, c'est absolument pas possible. En plus, c'est, une candidate facile à battre, on l'a déjà dit. C'est vrai que c'est l'impasse, c'est de sa faute, largement de sa faute, hein, puisqu'elle a abandonné des fondamentaux, voilà, concernant la critique de l'Union européenne, ça, elle le fait ni de l'euro. Là-dessus, elle s'est rangée totalement au système. Sur l'immigration, elle a reculé, etc., comme on l'a expliqué également. Donc, il reste pas grand-chose. Il reste parfois Hervé Juvin, qui est un de ses alliés, qu'elle a engagé pour parler de la question de l'écologie. Bon, bah d'accord, on va parler de l'écologie, très bien. Mais est-ce que véritablement ça va permettre de gagner l'élection? Je ne crois pas. D'ailleurs, y aura-t-il une élection au rythme où vont les choses? Il se peut qu'on soit intégré dans un système plus large. En tout cas, s'il y a des élections, vu ce qui s'est passé depuis un an déjà, Là, on va vers la réduction totale des libertés, l'avancée du nouvel ordre mondial. Donc, je pense qu'on va aller de nouveau vers cette intégration dans un ensemble plus large, qu'il soit européen ou mondial. Je pense que ça se fait beaucoup plus vite que qu'on ne le croit. Donc voilà, ça arrive à grands pas. Quand bien même il y aura des élections, on peut se poser la question, est-ce qu'elles ne seront pas truquées? Au vu de ce qui s'est passé aux USA, au vu des propositions de mettre du vote par correspondance, d'autres propositions aussi pour développer du vote électronique, honnêtement, je ne sais pas si elles auront beaucoup de valeur, ces élections. D'ailleurs, je n'ai pas pu m'empêcher. Quand j'ai vu les images des meetings vides aux USA, les meetings de Biden, de repenser au même meeting vide de 2017 d'Emmanuel Macron. Et je me demande, mais est-ce que l'élection n'aurait pas déjà été volée, en fait? Oui, d'après un expert du nom de Siebenhal, je crois un Suisse, le système Dominion n'a pas été utilisé qu'aux États-Unis, mais aussi en France notamment. Et d'après d'autres personnes, il aurait été utilisé aussi en Italie, dont on va parler, je crois, tout à l'heure. Oui, alors tu faisais mention de j'allais dire de cette maladie qu'est le référendum. Vous allez me dire, mais c'est bizarre, pourquoi se plaindre du référendum alors qu'on l'utilise jamais? Alors en fait, je précise ma pensée. Quand Marine Le Pen dit qu'est-ce que vous, quand on lui pose la question qu'est-ce que vous voulez pour l'immigration, dire bah, moi je vais faire un référendum, c'est une façon de ne pas avoir d'opinion en fait. C'est pas ce que demande un peuple. Un peuple veut une direction claire. Un président peut suggérer, en forme de plébiscite, de soumettre à référendum une politique qui est la sienne. Il peut dire, voilà, je veux faire ça, je vous demande de me soutenir et je sollicite un référendum. Marine Le Pen dit, oh, bah, sur la question de l'immigration, on va bien voir ce que les Français ont à dire là-dessus. C'est aberrant, comme si on ne savait pas ce qu'il fallait faire. Tout le monde sait ce qu'il faut faire. Et il y aurait même une majorité très claire qui se dégagerait là-dessus. Il n'y aurait même pas besoin de référendum. Si Marine Le Pen accédait même à l'Élysée, ça voudrait dire par définition que la population soutient une politique, comment dirais-je, dure sur l'immigration. Mais non, elle est là, elle dit, oh, moi je veux faire un référendum, etc. Donc on voit déjà qu'il s'agit. Qui a déjà du mou dans le guidon, quoi. Voilà, on a bien compris que Marine Le Pen n'a aucune espèce d'idée claire sur le sujet. Et en fait, bon, il ne faut pas trop se payer de mots, c'est de la politique fiction. Imaginez même Marine Le Pen à l'Élysée, c'est déjà de la politique fiction. Mais imaginons par extraordinaire qu'elle y atterrisse. Voilà, il n'y aurait pas de trucage des élections, et l'élection aurait lieu, il n'y aurait pas d'excuses sanitaires. Bien, formidable. Bah, qu'est-ce qui se passerait dans la foulée? Tout de suite, le soir même, tous les syndicats seraient en révolte. Tous les professeurs de l'éducation nationale, le personnel de l'éducation nationale seraient en révolte. 1 million de personnes qui appelleraient les étudiants, les élèves à manifester, etc. En permanence, ça ferait déjà quelques millions de personnes. Bien. Pour semer des troubles, j'entends. La bureaucratie, les ministères. La grève du zèle pour commencer, ensuite la grève tout court. Et ça n'irait que de mal en pis. Les bougnoules et les nègres dans les banlieues seraient en révolte permanente. Les flics, ne sachant pas du tout à quel sein se vouer, ayant une direction totalement maçonnisée, les commissaires divisionnaires sabotant évidemment tous les ordres pouvant émaner éventuellement d'un ministre de l'Intérieur RN. Resteraient chez eux, dans leur caserne, pas d'excès de zèle, c'est évident. Très très vite, le chaos se généraliserait. Je crois même que le séparatisme se développerait d'une manière phénoménale, d'abord dans les îles et ensuite peut-être même sur certaines parties du territoire. Enfin, ce serait absolument incroyable. Et on verrait même des épisodes de terrorisme. Et Marine Le Pen, parce que nous n'aurions pas un chef. Avec les qualités d'un chef, on n'aurait pas un Vladimir Poutine. Nous aurions Marine Le Pen. C'est-à-dire une femme à chat. Alors forcément, dans une telle situation, la femme à chat, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se précipite pour essayer d'apaiser tout le monde. Elle dirait au CRIF, qu'est-ce que vous voulez que je vote? Elle dirait au Bougnoul, mais rassurez-vous, moi je vous ai toujours aimé, etc. Voilà. Les fascistes, ah oui, ça c'est une bonne idée, ça. On va traquer les néo-nazis. Voilà. ça se terminerait comme ça, en foutoir intégral, avec une cruche, ne sachant pas du tout quoi faire. Du coup, la possibilité d'une candidature Éric Zemmour enthousiasme peut-être pas l'électorat, mais certainement les gens, on va dire, des milieux anti-immigration, anti-islam, voilà, ça, c'est sûr que c'est une candidature qui leur paraît plus entière, en fait, et pour laquelle ils pourraient manifester plus d'intérêt. Alors, je vous pose la question à vous tous, dans le contexte qui est celui qu'on a décrit, quoi. Donc Marine Le Pen, franchement fatiguée, après 10 ans à la tête du RN, pas de proposition politique franche, pas de lisibilité même, en fait, hein, pas de projet, très seule au fond, puisqu'elle n'a pas vraiment de poids lourd à ses côtés, hein, y a pas vraiment voilà, il n'y a pas de gens qui inspirent la confiance autour d'elle, où on pourrait se dire, oula, là on a affaire à quelqu'un qui a une équipe. Est-ce que finalement la candidature d'Éric Zemmour ne pourrait pas marcher? Parce que c'est ce qui est en ce moment... enfin, Zemmour est sollicité depuis un moment maintenant, hein, ça ne date pas d'il y a quelques mois, hein, ça remonte. Hein. Mais qu'est-ce que vous en dites, quoi? Pour vous, c'est crédible? Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, faut le clairement dire, le système il est verrouillé. Donc de toute façon, Zemmour, s'il passe, c'est parce que ça a été décidé, et si on décide qu'il passe pas, il passe pas. Maintenant, bon, ça peut être intéressant parce qu'il va forcément porter certaines idées, mais bon. Ça va pas plus loin, quoi. Il avait été question, je crois, est-ce que c'est en 2012 ou en 2017, Marine Le Pen avait fait du pied à Zemmour en lui disant « je pourrais vous offrir un poste de ministre de la Culture », je crois qu'elle avait dit ça. Hein. Donc, il a été question de ça, je crois pas que ce soit le fruit de mon imagination. Hein, donc, non, mais je te l'accorde, mais Zemmour a quand même une opinion de lui trop haute pour se complaire là-dedans. Je sais déjà exactement quel ministère il voudrait. Je peux vous le dire, je le connais. Et c'est pas le ministère de l'Intérieur. Ouais, donc Zemmour, c'est quelqu'un qui a le sens de la formule. Ses titres de livres, Le suicide français, par exemple, bon, montrent quand même un sens de la formule. Maintenant, formule critiquée par Delesquin, qui parle, lui, d'un assassinat. Oui, bah, probablement, mais... Oui, on connaît les opinions d'Éric Zemmour qui sont exprimées sur CNews. Est-ce que ça peut dépasser la sphère médiatique et puis arriver finalement à se transformer non seulement dans une candidature, mais une candidature crédible, puisqu'après il faudrait savoir combien de candidats se présentent, c'est-à-dire si un candidat LR, si un candidat si finalement parmi ce qu'on appelle les souverainistes, il y a une candidature commune ou bien c'est pas le cas. Non, c'est comme les trotskistes, il n'y en aura pas une, il y en aura trois. Voilà. Parce que bon, c'est aussi un des effets de la démocratie, mais bon, alors Philippot a plein de défauts, hein, a déjà critiqué plusieurs fois ce qu'il a raconté, ou ce qu'il a, il avait dit par exemple une fois que l'homophobie était un de ses chevaux de bataille. il avait dit, bon. Donc on a pu critiquer Philippot à juste titre à mon avis, mais sur le Covid-19 par exemple, il est quand même performant, on l'a dit également, on l'a souligné. Bon, là par exemple, politiquement il pèse 1%, je crois, en tout cas aux dernières européennes, il a fait moins de 1%. Comme tous les souverainistes, d'ailleurs, une candidate de En Marche ou une représentante d'En Marche lui a dit « Mais monsieur Philippot, qu'est-ce que vous avez fait politiquement? Vous étiez auprès de Marine Le Pen, là vous êtes tout seul et vous avez fait 1%, vous avez fait moins que le parti animaliste européen qui a présenté un chaton sur son prospectus de campagne. Donc vous faites moins qu'un chaton, monsieur Philippot. » Écoute. Jérôme Fourquet, le sociologue... dont j'ai parlé à plusieurs reprises ici, de gauche, hein, qui parle de l'effet de l'immigration de masse, de la restructuration ethno-culturelle de la France avec les conséquences à long terme. Donc là, on n'est pas dans la politique politicienne, mais il dit, attention, il y a un séisme qui est en train de se produire, silencieux, mais qui se produit tout de même. Il s'adresse à un public quand même assez confidentiel, mais moi, j'écoute ce qu'il dit, c'est bien senti, avec d'autres sociologues dont le constat est assez juste, hein, par ailleurs, hein, nonobstant leur conviction personnelle. Et quand tu parles du parti animaliste, et il dit, Forquet en parle, il dit « Rendez-vous compte que le parti animaliste, aujourd'hui, en France, fait plus que le parti communiste. » Alors, quand on dit ça maintenant, nos auditeurs, ils disent « Oui, alors ?» Mais si vous êtes suffisamment vieux, et là, je dirais, c'est même pas être trentenaire, je veux dire, si vous avez 50 ans ou 60 ans, et que vous savez ce que ça a été le Parti communiste, et le poids culturel du Parti communiste, et la puissance du Parti communiste. Effectivement, vous auriez dit ça dans les années 80, le Parti communiste fera moins qu'un parti des animaux, les mecs, tout le monde vous aurait pris pour un fou. Pour un fou, cliniquement. Et on y est. Donc les bouleversements sociologiques, démographiques, vont à une vitesse. Et paradoxalement, on ne les remarque pas quand ils ont lieu. Donc quand tu dis Philippot, le souverainiste, etc., qui passe derrière le parti animalier, ou animaliste, ça fait sourire, mais non, c'est très sérieux. Et les souverainistes, c'est ça, c'est-à-dire que... Je veux dire, en plus, moi, je ne suis pas du tout souverainiste. Enfin, je veux dire, c'est pas, je ne crois pas au principe de souveraineté, c'est un principe universel. Mais je me reconnais pas du tout dans le discours anti-allemand, anti-Europe, etc. Quoi. On peut critiquer, si vous voulez, l'organisation de l'Union européenne, bien sûr. C'est tout à fait justifié. Mais je veux dire, c'est devenu trop... je veux dire, la critique de l'Union européenne ou le rejet de l'Union européenne est devenu trop interchangeable avec le mot « Europe » pour qu'ils ne deviennent pas suspects. Parce que moi, j'ai l'impression... Moi, quand j'entends Asselineau, c'est qu'au début, on nous dit, voilà, c'est une critique de l'Union européenne, etc. Puis très vite, tu dis, non, en fait, c'est une critique des Blancs. Asselineau ne rejette pas l'Union européenne, il rejette les Blancs, il rejette le monde blanc, il rejette l'Europe blanche, d'accord. C'est ça qu'il rejette. Son truc, c'est l'Afrique. Vous dites, ouais, d'accord, c'est Asselineau. Puis en fait, quand vous allez chez les autres, oui, non, mais en fait, c'est récurrent, c'est tout le temps la même chose, quoi. Et non, moi, ce qui m'intéresse, c'est le monde européen. D'accord, c'est le monde européen. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de différence. Ça ne veut pas dire qu'il... Je tends à croire qu'il faudrait une puissance européenne avec un État européen. Ça, c'est ma conviction. Maintenant, entre ce qui est souhaitable et ce qui est faisable, ça, c'est autre chose. Mais, je veux dire, voilà, il faut être réaliste. Et je trouve que les souverainistes français, dont je ne rejette pas les critiques, d'ailleurs, hein, je veux dire, je ne dis pas que tout ce qu'ils disaient est faux, que c'est injustifié, ou que leur combat n'a pas, par certains égards, des mérites. Hein, mais voilà, je ne suis pas enthousiasmé, de la même façon que Marine Le Pen ne m'enthousiasme pas, quoi, hein, je veux dire. Bon. Et donc, vous savez, quand vous vous adressez aux jeunes générations, eh ben, la lutte pour le parti animaliste, ouais, la lutte pour des animaux. Vous savez, des idées très connes, finalement. C'est très, très con, au fond, tu vois. C'est très, très con, très naïf. Mais demandez aux gens, aujourd'hui, dans l'état de désespoir total qui traverse aujourd'hui la société française et les sociétés occidentales. Les gens, il leur reste peu de choses à quoi se rattacher, d'accord ? Et en plus, on devient totalement misanthrope. Et dans tout ça, qu'est-ce qui nous reste ? Eh bien, c'est vrai que c'est vrai qu'on n'aime pas les juifs, mais on aime son chien. Alors de là à basculer dans le vote animaliste, n'est-ce pas ? Vous comprenez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que, tiens, quelque chose qui nous réchauffe un peu le cœur, vous voyez ? Bah oui, j'aime les animaux, voilà, je... Voilà. Parce qu'il n'y a plus de grand idéal, vous voyez, qui bouleverse les masses. Vous comprenez ce que je veux dire ? Donc, c'est pas surprenant. C'est pas surprenant. Et d'une certaine façon, le vote écologiste, c'est un peu la même chose, quoi. Alors, par contre, là, ça devient vraiment apocalyptique, quoi. Eux, ils font peur aux gens, je veux dire. C'est plus du tout positif, quoi. C'est-à-dire, on va tous crever, quoi. On va tous crever, il faut être écologiste, quoi, tu vois. C'est pas ce qui te fait tourner vers la nature, en fait. Quand tu vas vers la nature, en fait, c'est le contact direct avec la nature qui te fait du bien. Ça fait du bien à l'âme, quoi, c'est un fait, quoi. Quand t'es dans une forêt, enfin, moi, quand je suis dans une forêt, je me sens beaucoup mieux, quoi, humainement parlant, émotionnellement même. Vous voyez ? Donc y a une dissociation totale entre le discours écologiste apocalyptique et la recherche profonde d'un message écologiste originel, quoi. Donc je vois ce désespoir qui traverse toute l'offre politique, en fait. Oui, tout à fait. Mais alors, quand j'ai soulevé cet effet, enfin ce constat que donc le Parti animaliste avait fait davantage que Philippot, c'est que Philippot, malgré les critiques qu'on peut lui faire, c'est quelqu'un qui travaille ses sujets en général et qui là avait mis sur la table un certain nombre de propositions contestables peut-être, mais en tout cas il avait travaillé ses sujets. Alors que le Parti animaliste, en l'occurrence, ils avaient fait un superbe coup de com en mettant en première page donc un chat. Oui. Parce que tout le monde aime bien les chats, mais en fait, ça ne veut pas dire que eux ont des propositions concrètes pour faire avancer la nature. Ils en ont pas. D'ailleurs, les écologistes, comment dire, par exemple, ils sont très défavorables au nucléaire, alors que le nucléaire présenté au moins l'avantage de ne pas, ne pas polluer l'air, par exemple. Il y avait la question du retraitement des déchets, mais au moins l'air était pur, puisque par rapport au charbon, par exemple, il n'y a pas de rejet dans l'air, donc c'était intéressant, mais par principe, par presque sectaire, les prétendus écologistes sont défavorables à tout prix à ce principe du nucléaire. Quoi. Mais c'est idéologique, il n'y a pas de justification derrière. C'est simplement un dogme. Quoi. Donc je ne crois pas que ces gens-là soient réellement écologistes. Et on est face à un problème plus vaste de ce qu'on appelle la démocratie, c'est-à-dire que vous ayez bossé votre sujet, que vous ayez des propositions concrètes pour changer la société ou pas, ce qui va déterminer votre vote, c'est votre capacité à communiquer. Et comment est-ce qu'on communique ? On communique quand on a les médias avec soi. Il existe certes des réseaux alternatifs, ce qui est important, mais est-ce qu'il est temps à prendre du poids ? Mais c'est tout à fait insuffisant quand on connaît dans l'état actuel des choses le poids de BFM TV ou de ce genre de choses qui fonctionnent en continu et qui ont fait en l'occurrence, l'élection de Macron, par exemple. Bon, messieurs, je vous remercie pour l'émission d'aujourd'hui et je vous dis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Salut. À la semaine prochaine.